Bonjour, bonsoir, bonne nuit à toutes et à tous, et bienvenue pour ce... Ah oui, pour ce 50e numéro du podcast du collectionneur, quand même, hein, mine de rien. J'allais dire le demi-siècle, mais non, ça marche pas comme ça, les émissions, si, je ne sais pas. Hein oh, ma grand-mère disait ça compte les 5 et les 0, donc voilà, on ouais. C'est les deux. Voilà, on verra. Si on m'avait dit qu'on arrive à 50, je n'aurais jamais cru. Non. Ouais. Et pourquoi on est encore là. Ou alors, pour citer la marionnette de Chirac dans Les Guignols, on aurait signé tout de suite. Oh oui. Et il me semble que c'est son anniversaire aujourd'hui à Jaco, je crois. 85 ou 86, un truc comme ça. Ah, elle est pas loin de Pelle, quelque part. Hein. Je vais rien dire, je croyais qu'il était décédé, moi. Non, qui s'appelle ? Non, il est là. Mais non. Je sais. Non, il est encore jeune et fringant et avec toute sa tête. Je parlais de Pelle. Hein. Ah oui, ok. Donc ce soir, sur le coup, on va délaisser le rétro des années 90 et on va faire un saut dans le turfu, comme on disait à l'époque. On va parler d'une console sortie dans les années 2000. On va évoquer la Nintendo Dual Screen DS. Mais avant ça, l'anniversaire des news, parce qu'il faut un anniversaire, parce que je lance direct les news comme ça, je suis trop fou. Joyeux anniversaire à Madame Dreamcast. Oui. Qui a 20 ans et 2 jours, pour être précis. On n'a pas tous les jours 20 ans. Et qui pourtant n'aura pas tenu aussi longtemps que le podcast. Je sais pas si on sera là dans 20 ans. Ah bah... Elle est plus là depuis 20 ans à peu près. Elle a vécu que 2 ans. 2 ans ? Ah bah j'exagère, non. Allez. Non, c'est 31 janvier 2000 où ces gars ils annoncent. Non, truc comme ça. Bon, enfin, vous... allez. Bande de moqueurs. Je rigole beaucoup depuis 2-3 jours sur Twitter de voir. Tous ces grands influenceurs qui, comme par hasard, la Dreamcast c'est leur console préférée et nous racontent moult anecdotes sur comme quoi, oh là là, c'était trop bien. Ouais. Dommage qu'elle soit partie si tôt. Et, ouais. Allez l'acheter bien à l'époque. Ouais, mais n'oublie pas que la majorité des influenceurs, ils avaient 5 ans à l'époque de la sortie de Dreamcast. Leur acheter. Ouais, mais est-ce que c'est comme un certain monsieur ou ouais, c'est comme la Saturne en fait, il y a trop de jeux Jap alors j'aime pas. Non, c'est qu'il y avait trop de jeux d'arcade. Oui, sans doute. La Dreamcast, c'était la console des jeux d'arcade. C'était la... Voilà, comme on a pu l'évoquer récemment, des jeux comme Cannon Spike, comme Zombie Revenge, des Crazy jeux Taxi. Qui faisaient 400 balles et que tu finissais la Crazy Taxi, que tu faisais 100 000 heures, tu disais quoi. Striker, mais par contre, c'était... Le premier NBA 2K. Ouais, Marvel Capcom 2, voilà. C'est une console qu'on avait dans le ventre. C'est une console qui a aidé, enfin, qu'un Naomi, un arcade, à faire des super jeux qui ont vraiment marqué. Mais, c'est la console avec son modem et Phantasy Star Online. Phantasy Star, sans PSE. Mais une console surtout qui a souffert des déboires de Sega avec la Saturn et de l'égocentrisme de Yu Suzuki, on en a déjà parlé. Ouais. Sa façon de communiquer, comme d'habitude, totalement à l'ouest. Et puis aussi, il n'y avait plus Segata Sanshiro, alors pour le coup. Lui, il était déjà parti, il avait déjà flairé le coup, tu sais. Mais non, il s'était sacrifié pour sauver le monde d'un missile. Oui, il s'était sacrifié, mais oui. Donc, oui, c'est la fin, toi. Oui, c'est vrai, en plus, il s'est sacrifié. C'est vrai, non ? Bah oui. Sur la première pub de lancement de la Dreamcast, en fait, il sacrifie, si c'est vrai. Oui, il sacrifie parce qu'il voulait pas voir ça. Peut-être aussi, ouais. Ah, des chances. La meilleure façon de jouer à la Dreamcast, de célébrer la Dreamcast, c'est encore d'y jouer. Si vous en avez encore une qui fonctionne, lancez-la. Enfin, allumez-la, il veut dire, hein, la lancez pas, elle va se casser sinon. Ou d'avoir une GameCube. Ou une Xbox même. Oui, une Xbox, c'est vrai. Ou un PC, voilà, on peut blasphème. Non, c'est blimsphème, pardon. Pardon, Non, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de jeux Dreamcast sortis sur le GameCube. Hein. En plus, c'est marrant parce que c'est quand même deux consoles de la même génération. Bah, et puis... Disons que moi, quand j'ai vu Sonic Adventure 2 sur GameCube, j'ai vu fou quand même à un moment. Ouais. Pardon. Est-ce que je vais faire qu'il y a là-dedans, hein. Je le pensais en premier. Ikaruga aussi. Bah, Ikaruga, carrément. Ouais, il y en a eu plein. Hein. Le code Veronica aussi. Quelque part, c'est pour ça que la GameCube a moins bien marché. C'est une ludothèque maudite, en fait, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pour rire. Voilà. Et bref, sur le coup. Bah, écoute. Voilà. La Saturn, la Dreamcast, 20 ans. Et nous, on en a à peine plus. À peine. Bon, toujours jeune et fringant. Sur le coup, news suivante. Que j'intitulerai la rédemption de Bill Mitchell, la suite. Ah bah, alors, c'est un peu Red Dead. il vient de l'Ouest ou pas, lui? Je sais pas. Ah, je sais pas, mais en tout cas. Bah, il a bien la dégaine pour. Bah, disons, voilà. on lui a un tout petit peu. Comment dire Je suis dessus, tu peux le dire. Ouais, voilà. Je suis dans les bottes. Mais ouais, il se trouve. Bah, il méritait, hein. Ah bah, tout à fait. Il a fait de la merde. Mais il se trouve que là, récemment, il a, sans aucune contestation possible, cette fois, il a fait le fameux score pour lequel on lui reprochait d'avoir triché avant. Alors, là, oui et non. Son fameux score de tricherie était de 1 062 800 points, et il a fait 1 050 100 points. Ouais, non, mais d'accord, mais voilà. Bah si, en fait, c'est parce que le score de 1 050 100 points, c'est le score qui était officiel de son record, mais son record de 1 062 000, c'est son record personnel, en fait. Celui qui n'était pas validé, en fait. Ok, d'accord, bon, j'ai rien à dire. Okay. Mais voilà, donc voilà, il a juste prouvé qu'il savait le faire. Après, le faire, oui. Honnêtement, je sais pas si vous avez vu le tweet avec lequel il a... Oui. Qui était... super crade, en mode bon bah voilà maintenant fermez vos gueules, c'était vraiment très hautain, ouais, et en même temps c'était Billy Mitchell, quoi. Donc même là où il aurait pu dire voilà c'est bon, je sais quand même le faire et je m'excuse d'avoir triché, non c'était voilà fermez vos gueules, je sais le faire. Quelque part, ça, mec, le mec, il a sa tronche sur des, comment dire, des bouteilles de sauce piquante. Oui, bon, après. Non, mais c'est vrai, je te promets que c'est vrai. Chacun ses sponsors, après. À partir de là, tu dis bientôt sur les boîtes de vaches qui rient, il va avoir sa tête, quoi. Mais voilà, c'est pas parce qu'il a fait ce score. Qui... D'ailleurs, cela dit au passage, c'est quand même, ça reste impressionnant. Hein. Ouais, c'est pas parce qu'il a fait que ça veut. Tout ce qu'il a fait avant, en fait, c'était pas bien. Ils ont jamais remis en doute le fait qu'il sache jouer. C'est juste. Ah bah, quand même. Mais il a toujours été considéré comme un bon joueur, il l'avait déjà prouvé. C'est juste qu'il a utilisé certains subterfuges pour faire mieux. Et vu que c'est mais alors, justement, mais justement, là, il a rien. C'est ça que j'ai dit. Attendez, c'était pas que pour faire mieux. Hein. Il a aussi utilisé certains subterfuges et de certaines influences pour empêcher que les scores de ses concurrents soient validés. Hein. Aussi, c'était surtout ça qui lui a été reproché. C'est pas un gentil perso. Non, mais bref, il n'a jamais été gentil. Il est... Voilà. Mais voilà, c'est une raclure, mais il s'est joué à Donkey Kong. Voilà, c'était la... C'est ça. Mais je pense que ça va être le fin mot de l'histoire, du coup, parce que maintenant... Jamais, avec lui, jamais. Ah bon, jamais. Bah, bien sûr, faut pas oublier que c'est le roi des Kong. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est... Et puis, il aime trop la gloire, Eric. Et tout ça pour non, je pense qu'il aime surtout les dramas, en fait. Bah, on parle de lui, ça leur apporte du fric. Voilà. Ça va pas plus loin. Bon, bref. Sur le roi des Kong. Ah, on vous laissera disserter sur savoir si vous considérez qu'il a droit à sa rédemption en ayant prouvé qu'il a effectivement fait son score. On entendra peut-être à nouveau parler de lui, qui sait. On verra bien. Et donc, sur le coup, news suivante. Le point midi du podcast. Il y a pas un jingle. Attention, moi est énervé. Encore. Spoiler. Encore. C'est pas. Mais c'est au-delà de ça. Alors l'énervement. Non. Enfin, on va dire qu'il a laissé place à l'incompréhension. Je ne sais pas. Donc on a appris cette semaine que la PlayStation, alors c'est la PlayStation Classics, hein, c'est pas la PlayStation Mini, attention. Hein. PlayStation Classics. Du coup, le point classique. Ouais. Voilà. Embarquerait des jeux au format PAL 50 Hz. Alors, nous Européens qui avons connu les jeux, par exemple, traduits en français ou autres, on pourrait se dire ah c'est bien, on aura nos traductions et tout. Alors déjà ah, oui. Non. D'accord. Okay. Déjà non, parce que les jeux en PAL 50, c'est pas les jeux à RPG, à scénario, quoi. C'est des jeux comme Tekken, c'est des jeux. Mais ils ont un scénario. Non, ouais, alors, ouais, mais il n'est pas ni parlé ni écrit le scénario de Tekken. Si c'est je permets, me permets de faire une petite parenthèse rapide, les deux seuls jeux de la compilation jouables en français sont GTA et Rainbow Six. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire alors, que GTA, même, même Rayman, il n'a pas de VF. Même Oddworld, il n'a pas de VF. Oui, oui, non, mais. Bon, après, pour certains jeux, c'est pas plus mal. Ouais, ouais, mais je veux dire, le coup du PAL. Enfin. Mettre du PAL, mais pas les entre guillemets les bons jeux, c'est déjà c'est pas ouf. Mais là où ça devient encore plus surréaliste, c'est que les Américains aussi auront ces jeux-là en PAL. Voilà. Et là. C'est la façon dont j'ai appris l'histoire, c'est-à-dire moi je me lève un matin et je vois les Américains sur Discord en feu à propos de cette. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je les vois marqués, ouais, on va pas jouer à des jeux au format 50 Hz. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Et j'ai fini par comprendre. Et là, c'était bravo Sony. Voilà. Et là, c'est incompréhensible. Enfin. Si, je pense que c'est très compréhensible. Ils n'ont rien à foutre. Rien à foutre. Ah oui. Voilà, oui. Enfin, oui, voilà. Alors, il y en a qui disaient. D'accord. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Il y en a qui disaient, bah, ils étaient en train de télécharger les ROM sur Emu Paradise et puis Nintendo, il a tout fermé. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils ont trouvé. Ça me semble plausible. Qui disent que c'est des problèmes de licence. Ça peut être des problèmes de licence et de droits d'exportation, ce genre de conneries. Parce que c'est pas les mêmes éditeurs suivant les continents. Hein. Ouais. Quand tu vois une console, tu fais. Mais enfin voilà. Et j'avais aussi une autre peut-être explication, mais qui me semble un peu bancale, c'est que les jeux PAL étaient les jeux qui sortaient en. Bah, c'était le territoire qui était servi en dernier à l'ère PlayStation. Hein. Du coup, avec tous les correctifs et tout. Ouais, mais ça peut-être qu'ils sont moins buggés, je sais pas, mais ça. Enfin voilà. Mais voilà, si vous rêviez de jouer à Resident Evil en 60 Hz, bah non. Mais parce que pour le coup, quoique l'explication est peut-être la bonne, hein. Quand tu vois qu'un jeu comme Toshinden, qui est quand même un peu le jeu où tout le monde se moque dans cette console, au Japon c'est édité par Takara, c'est édité par Sony Amérique aux États-Unis forcément, et Sony Europe chez nous. Mais oui. Pour le coup, ouais, c'est peut-être une explication. C'est incompréhensible. Rien à foutre quand tu vois comment ils ont marché leur console et comment ils l'ont vendue. C'est vraiment incompréhensible. Je pense qu'ils veulent surfer sur la vague de Nintendo en prenant le moins de risques possible et en se fatiguant le moins possible en disant ça va se vendre. Et quelque part, étant donné qu'ils ont pris, refilé le bébé à quelqu'un d'autre. Du fait qu'ils ne sont même pas fait chier à utiliser leur propre émulateur. Bon, parti de là. Ah non, mais ouais, à partir de là, tu peux dire qu'effectivement, ils en ont rien à carrer. Ah oui, bien sûr. C'est pas la priorité. Totalement, voilà. C'est un produit d'appel, tu le mets, ça se vend, tant mieux. Ça se vend pas, tant pis, on n'a pas dépensé. Bah ouais, mais d'ailleurs, j'ai pas eu de retour, enfin de communication. J'ai pas vu ce qu'ils ont dit, Sony, par rapport à ça. Enfin, ils ont bien. Il y a bien des gens qui ont dit deux, trois mots plus haut que d'autres face à cette situation. Sony n'a rien dit. Ouais. Sony n'a même pas communiqué. Et c'est pour ça que je pense au rien à carré. Ils sont dans une dynamique de. On s'en fout, on laisse passer l'orage. Ouais. C'est complètement con, parce qu'effectivement, c'est se moquer de. Ben après, le problème, c'est que la console, je pense qu'elle va bien se vendre. Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'en plus, c'est dommage, parce que le produit en lui-même, je parle juste. Là, la petite machine et tout, c'est bien fait. Hein. Les retours étaient pas mal là-dessus à ce niveau-là. Ouais, ta machine. Ouais, mais bien fini. Sortir du jeu, t'es obligé de faire un reset. Mais tu vois, mais le petit machin est bien, quoi. Tu vois, les gens, ils voient ça en magasin, ça peut leur plaire, hein, franchement. Et puis, justement, on parlait à l'instant, Boss dit, de la console la plus populaire. Pour toi, c'est la PS1, donc forcément, ça va se vendre pour beaucoup de gens, je pense. Oui, mais c'est ça le truc. Pour moi, je pense qu'effectivement, actuellement, la console la plus populaire. Nous, on est plus vieux, donc oui, la Super, effectivement, on l'a aimé, mais c'est vrai que ça touchera moins la génération. Attendons de voir si, comme les NES et Super NES mini classiques, ça va être piraté. Moi, j'y crois pas beaucoup des masses, mais enfin, En termes de RAM, c'est surtout ça, piraté, d'accord, mais quand tu vois les jeux, le poids qui pèse, c'est plus compliqué que. Oui, après, je pense que les gens qui vont l'acheter, c'est pas ceux qui vont peut-être plus la pirater. Parce qu'il y en a plein qui disent que la console, en fait, elle est même pas faite pour nous, ceux qui aiment jouer. Elle est vraiment faite pour des gens qui ont connu la console un jour, qui connaissent un peu et qui veulent jouer comme ça sans se prendre la tête. Ouais. Mais bon, même pour des gens comme eux, on peut quand même leur offrir un produit bon. Quelque chose de. C'est un produit de meilleure qualité. Quoi. C'est... Il faut pas. Voilà, je pense que la NES et la Super NES Mini sont toujours là en face. Elles sont à un tarif qui est autrement plus compétitif aujourd'hui. À moins de 60 balles maintenant. Voilà, j'ai vu la Super NES Mini 60 balles. Ah ouais, la Super NES Mini dans mon Leclerc est toujours à 75. C'est le prix officiel. Moi, je l'ai vu. Ah, c'est toujours le prix officiel, 75. Tu peux l'avoir à 59 dans certains magasins qui essaient de s'en débarrasser. Pareil, moi, autour de chez moi, il y en a plein et elles sont à ce prix-là. Hein. Ouais, mais n'empêche que le prix officiel reste. Ouais. Oui, mais bon, quand les gens achètent moins, le prix officiel, tu t'assois dessus, quoi. Et là, comme c'est les fêtes de Noël, je pense qu'effectivement, si tu cherches bien à 60, tu peux avoir une SNES Mini. Et il y a beaucoup de stocks, en tout cas, de SNES et Mini. Ils sont réapprovisionnés très souvent, quoi. Je le vois. Oui, parce que tu en trouves de partout, de toute façon. On verra bien, mais bon, comme on a dit, je pense qu'on n'est pas vraiment la cible pour cette PlayStation classique, je pense que... Ouais. Ah, pas du tout, c'est clair. Bien. Ben non, en fait. Moi, je l'avoue, hein, au début, ça m'attirait, et puis en fait... Je l'avais même préco, et puis après, j'ai arrêté la préco, quoi. C'est ça. Bah ouais, j'étais dans le même cas. Ouais, ouais. Comme beaucoup, je pense. Ouais. Bon, dernière news rapidement, donc il y a une société américaine qui prévoit, Chou, Tami, de sortir un PC classique. Ouah. Alors, en gros, il y a des gens, ils prévoient de sortir... machine mini qui ressemble, alors je sais plus quel IBM c'était, attendez, je vais vous dire, je crois que c'est le PC Junior, non, si c'est pas le PC Junior, ça doit être un autre, non, PC Junior, le lecteur disquette est l'autre côté, donc ça va être le PC normal, mais je me souviens plus le nom exact du modèle, peut-être un 5150, un truc comme ça, à mon avis c'est ça, ouais, ça ressemble vaguement à un 5150, c'est pas exactement le même modèle, mais enfin bref. Alors, il y a des jeux dedans, mais ben quoi, on sait pas. Il y a Doom, je crois. Tu sais pas. Il n'y a pas Doom. Il me semble qu'il y a Doom, j'ai vu une démo avec aucun Doom. Aucun titre n'a été officiellement annoncé. Mais apparemment, le Doom qui serait dedans serait en shareware, d'après ce que j'ai compris. Ouais, bah de toute façon, Doom, de base... Mais c'est devenu un charbon, pour le coup, tu sors une machine comme ça au look rétro. Ben, t'as pas le clavier avec. Non, tu joues dans la ville, hein, parce qu'il y a des ports pour brancher des manettes. Voilà, donc quelque part, tu vas vouloir brancher ton clavier Corsair avec des micro-switch bidules pour jouer à ça, tu vois. Moi, je non, ça, ouais, ouais, c'est des, mais c'est des ports USB. Il y a des ports USB, je pense qu'ils ont. Voilà. Ouais. Donc ça se branche en HDMI, apparemment niveau ce que tu peux brancher comme manette, il devrait en avoir une, mais apparemment c'est compatible avec, comment ça s'appelle, les joysticks X-Input, c'est ça, c'est des trucs PC. Hein. Ouais, ouais, c'est... Donc voilà, comment dire, le prix, 100 balles, qu'est-ce qu'il y a dedans, on sait pas, et voilà quoi, c'est... On verra bien, on aura l'occasion de vous en reparler si jamais c'est... Ouais, bon, après, c'est juste que j'ai vu popper ça, ça m'a pour le coup pas mal fait rire. Mais en plus, c'est un truc qui m'a fait rigoler, je sais pas si c'est la couleur d'origine ou autre, mais il y a la façade jaunie devant, je sais pas si c'est... Oui. Je sais pas si c'est fait exprès, clin d'œil, ou si c'était la couleur d'origine du truc qui était vraiment comme ça à la base. Ouais, je sais pas vraiment. Alors, je peux te dire, de mémoire, parce que j'ai pas vu un IBM 5150 depuis des années, il me semble que la façade est en plastique et le reste, en fait, le haut du truc est en métal. Ouais, ça c'est vu. Ce qui fait que la façade a tendance à forcément jaunir dégueulasse et le reste non. Ouais, bah ouais. Si je me souviens bien. C'est peut-être un espèce de clin d'œil à la con. En fait, je trouve ça rigolo, ça. Mais... Ouais, voilà. Alors apparemment, aucune date de sortie et ils s'en sont seulement à la première phase du projet. Donc la phase 2, on sait pas, mais par contre la phase 3, c'est la collecte des slips. Ouais, c'est ça. Ouais. J'achète. Voilà. Donc, wait and see. Les deux dernières news rapidement, puisqu'on n'a pas trop d'infos non plus. On a appris qu'un nouvel épisode de d'Aleste était en développement, sans plus de précision. Voilà. Bon, j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans mon jeu que je présentais de Super Aleste. Que j'aime énormément. Exactement. Qui est mon jeu préféré, mon shoot'em up préféré de tous les temps. Donc on verra bien, on n'a pas plus d'infos, mais ça veut dire c'est que toi même on va, légende on va voir un shoot'em up débarquer, alors on verra bien comment et quand. Et également, donc, quelque chose qui veut peut-être sans doute rien dire, mais qui sait peut-être, Square Enix aurait déposé le nom Parasite Eve en Europe. Ah, mais ça veut rien dire, ça. Non, ils vont juste le mettre sur le store européen, et puis voilà, quoi. Peut-être. Non, mais je réécoute, c'était pas. Mais bah, je sais pas, tout de suite ça s'enflamme, hein. On s'imagine une suite, oui, bah, oui. Mais je pense que ce sera quand même... Ça se limitera à une... Ouais, une sortie sur PSN. Ouais. Et comme je l'avais dit, moi c'était une de mes plus grosses déceptions avec cette PlayStation Mini, c'est pourquoi les Japonais ont droit à Parasite Eve et pas nous. C'était... Ah oui. Je suis vexé. Donc, rien. Mais voilà, bah, c'est peut-être la raison. Ils ressortent chez nous d'une autre manière. Ah. Voilà. Parce que Beyond, il a râlé. C'est ça. C'est ouais, ils m'ont entendu, ils nous écoutent. Ah. D'ailleurs, bonsoir aux dirigeants de... C'est ça. Bon, donc sur le coup, si personne n'avait rien ajouté, quelqu'un a un shoot-out à faire, une mise en œuvre. Glutenfrieden. Glutenfrieden, voilà. Non, je ne vais pas parler de mes Everdrive, c'est bon. Là, des news un peu. Le speedrun de Mario Odyssey est toujours pas en dessous d'une heure, donc ça n'impressionne toujours pas moi. Non, je ne peux pas impressionner. Donc sur le coup. J'ai rien du tout en news, je t'aurai vérifié, mais non. Non, bah, c'est parfait, du coup, on alors, va pouvoir. On va pouvoir passer au gros morceau de ce soir. À savoir la Nintendo DS. Il porte très bien son nom. Alors, j'avais envie de commencer comme d'habitude. Trouver un moteur. Toujours, un tour de table de tout le monde et demander à chacun son histoire ou le début de son histoire ou une anecdote avec la DS et qu'est-ce que vous auriez à raconter dessus. Qui se lance ? Ouf. Juste pour dire que la première fois que j'ai soufflé dans le micro, je me suis senti bien con. En me demandant, mais qu'est-ce qu'on me demande de faire, merde ? WarioWare ? WarioWare ? C'était Another Code de Sing, que j'adore. Souffle pour enlever la poussière, et tu souffles comme un mongolo dans ton micro. Et tu vois que ça marche, et tu fais, oh merde ! C'est ouais, vachement cool. Mais Bostik, toi, par exemple, tu as eu quel modèle ? Quand est-ce que tu as commencé à jouer à la DS ? J'ai pas une tank, j'ai attendu la Lite. Parce que connaissant Nintendo, je savais qu'ils allaient sortir un deuxième modèle. Mais j'avais joué avant parce que j'avais un pote qui l'avait. Mais moi, c'est la DS Lite. Hein. Avec Ace Attorney, avec Phoenix Wright. Bah, fait... on en reparlera sans doute après, mais de toute façon, ouais, c'est oui. La DS Lite qui a tout défoncé. Hein. Enfin... Ouais. Et... Oui, parce qu'il faut rappeler une. Une petite habitude de Nintendo à cette grande époque qui continue à faire dire aux gens aujourd'hui j'achète pas de Switch, j'attends que Nintendo fasse la Switch Lite. Ah, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà. Donc rapidement, la Nintendo DS est sortie au Japon le 21 novembre 2004, mais n'est sortie chez nous que le 11 mars 2005. La DS Lite est arrivée un an après au Japon. Vous imaginez un petit peu aujourd'hui, vous achetez une console et un an après, on vous dit, regardez, il y a le nouveau modèle. Un an. Allô, Renan, ça va vite. Il y a de quoi être super dégoûté. Ils avaient déjà fait le coup avec la Game Boy Advance et la Game Boy SP, ce qui avait déjà beaucoup énervé les joueurs. Et ils ont eu le culot de recommencer un petit peu. Ouais. Ouais. Enfin, voilà. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Ouais. Mais ouais, effectivement, ils ont fait ça. Mais toi, moi, comment t'as découvert la DS ? Comment t'as eu la DS ? Alors, moi, la DS, c'était... j'avais découvert ça bon, dans les magazines de l'époque, hein, comme d'hab. Et moi, c'était Day One, mais genre... même Day moins 2, je crois, je me souviens, parce que je l'avais ramené au lycée, et les gens disaient « Mais quand tu l'as eu, tout ?» J'ai fait « Je connais mes sources. » Non, j'étais juste allé au magasin, il m'a dit « Bah, on les a. » J'ai fait « Ok. » Et donc, il y avait la démo de Metroid Prime Hunters dedans. Ils avaient reçu les consoles, mais pas les jeux, donc j'avais quand même la démo. Et bah c'était assez ouf déjà, parce que moi j'avais une console portable avec de la 3D, mais donnait pas envie de vomir trop pour l'époque, qui était vraiment pas dégueulasse pour l'époque, quoi. Donc c'était le premier effet, c'était « Ah ouais, c'est cool !» Et puis après, du coup, l'effet tactile où je pointais sur l'écran pour tirer sur ces putains de Metroid, c'était rigolo, quoi. Moi, j'étais plutôt emballé au début. Il y avait un truc bizarre, c'était son design. Elle s'appelle pas DS Tank pour rien. Ouais, effectivement, oui. Putain, bah on était très dans le Nintendo de l'époque, à savoir, c'était vraiment un public... d'enfants. Ouais, très Ouais, très bas en âge, il fallait donc un truc qui inspire la robustesse et qui... voilà, on sentait le truc, quoi, bas stock, quoi. Et il y avait le rétroéclairage n'était pas ouf non plus. Oui, qualitativement, les écrans de la prod DS Tank n'étaient pas d'une qualité fantastique. C'était, on voyait, on jouait, c'était pas trop un problème, mais... Non, et en plus, on s'en est aperçu avec la DS Lite, c'est surtout ça. Ouais. Avec le recul, c'est avec la DS Lite, avec une luminosité plus grande, on disait, putain, ouais, quand même. Mm-hmm. Ouais, clairement. C'était pas ouf, quand même. Mais c'était moins illisible qu'une Game Boy Advance. Ouais, clairement. Bah, de toute façon... Je veux dire, les jeux qui sortaient, ils étaient déjà OP, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de soucis. Hein. Et pour donner une idée un peu plus précise, donc la DS au Japon est sortie un an avant la Game Boy Micro. C'est-à-dire que il y avait, à l'époque, on ne pouvait même pas dire la Game Boy Micro a un écran meilleur, et elle n'existait même pas. Oui. C'était... Oui. Donc... voilà, et puis moi je me souviens que la première DS avait tendance à être sujette assez facilement aussi aux pixels DCD. Oui. C'était pas mal le cas aussi aux des premières PSP. Bon, c'était le début de la technologie LCD, le début. Et pas franchement le début de la technologie LCD, mais disons que avec ces résolutions-là, on commençait à. La technologie évoluait et ça a bougé pas mal. Et donc, toi, monsieur Chou, par exemple, comment t'as découvert la. Oula! Un an avant la sortie de la 3DS, tout simplement. En fait, c'est tout con, c'est sorti en 2004, la DS, et ouais. Moi, c'est une époque où enfin, je jouais que à des vieilles merdes. Faut être honnête, en 2003 ou un truc comme ça, j'ai dû avoir une Xbox piratée où j'avais tous les jeux de la Terre. Et du coup, voilà, je jouais majoritairement à des vieilles cochonneries. Surtout des jeux d'arcade, alors voilà, du coup je l'ai eu en 2010, quelque chose comme ça. J'ai eu une DS Tank. C'est pas que j'en ai pas gardé un souvenir imprescriptible, c'est que la trois quarts des jeux sur cette machine, ils sont bien vendus, en fait j'en avais rien à carrer, c'est ça le problème. Mais du coup j'ai des petits jeux atypiques en fait que j'aime bien. Ah, c'est vrai qu'en termes de ludothèque, il y avait à boire et à manger. On va en parler après, malheureusement. Ah, c'est clair. Toi, monsieur Pell. Ah bah moi, je l'ai eu des One, je me rappelle. Je l'avais pris, alors je savais vraiment pas du tout quoi prendre avec, et moi j'avais pris monsieur Mr. Driller, qui était pas bien, hein. Moi, c'est pas sûr. Ouh, voilà. C'est trop dans la classique, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, merci. D'accord, ah oui, donc la d'entrée de jeu. Oui, j'ai eu la Tank. Alors, c'est tout ce que j'ai eu comme, pendant un bon moment quoi, comme jeu, quoi. Et donc, j'en profitais énormément, surtout aussi pour. Elle était rétrocompatible, faut préciser. Oui, c'est ça que j'ai joué au jeu Game Boy. Et moi, du coup, moi, j'en profitais beaucoup là-dessus sur le début, hein. Plus que les jeux DS en réalité. Parce qu'effectivement, vous achetiez une DS à l'époque et vous aviez tout le catalogue de la GBA avant. Voilà. Et je dis bien de la GBA sur quasiment toutes ces consoles. Sur toutes les consoles portables, parce qu'avec la GBA on pouvait jouer au jeu Game Boy, ouais. Avec la DS on pouvait jouer au jeu GBA, et maintenant avec la 3DS on peut jouer au jeu DS. C'est ça. Juste une génération d'avance. Et techniquement on peut même jouer à des jeux Game Boy via l'eShop et tout, mais c'est en termes physiques, on va dire, c'est à chaque fois une génération d'avance. Ouais. Mais par contre la DS, ça avait la particularité, c'était les jeux Game Boy Advance, mais aussi les jeux Game Boy. Ils tournent dedans, hein. Oui. C'est vrai. Les jeux Game Boy vont dans la DS, hein. Non. Alors je dis peut-être une bêtise. Oui. Dans la Tank, non. Les jeux DS sont pas compatibles. Non, parce qu'en fait, ils rentrent même pas dedans. Alors je dis une bêtise. Ouais. C'est pas grave, ça arrive, même au meilleur. Mais ça arrive surtout à toi. Non, c'était vraiment, c'est justement, ça m'avait pas choqué, okay. Mais je me suis dit, ah merde. C'est, en gros, le port cartouche déjà est légèrement différent. Ouais. Bah, le port cartouche, de toute façon, sur un Nintendo Player, ça fait, on met les jeux Game Boy Advance et les jeux Game Boy aussi, hein. Oui. C'est le même, hein. Oui, mais sur Game Boy Player, parce que c'est une GBA. Et ils avaient fait un port cartouche qui pouvait supporter les deux. Cartouche GBA et Game Boy. Mais sur DS, tu pouvais mettre que GBA. Ok. Bon, moi, mon histoire avec la DS, elle est pas compliquée. J'ai jamais eu d'affinité avec les consoles portables. C'est quelque chose que j'ai jamais possédé, qui m'a jamais vraiment intéressé. J'étais toujours en mode, pourquoi j'achèterais ce truc avec un écran minuscule alors que je peux avoir vachement mieux sur ma télé? Et là, pour la première fois, la DS, elle m'a apporté quelque chose que je pouvais pas avoir sur ma télé. Cet écran tactile, ces deux écrans, le micro, toutes les nouvelles façons de jouer. Et moi, j'ai fait comme BossDick. J'ai pas du tout acheté la première DS. J'ai regardé ça un petit peu de loin. Et dès que la DS Lite est sortie, là, par contre, comme t'as dit, moi, le jour, genre le jour moins 1, je me souviens très bien être allé au magasin Antares et prendre la console blanche. Avec 3 ou 4 jeux à l'époque, il y avait Castlevania, il y avait le Kawashima parce que c'était nouveau, qu'il fallait absolument essayer ce truc. Voilà. Il y avait le Super Mario Bros. Pas loin de la sortie de la New 3DS. Mais d'ailleurs, enfin, moi, en fait, en vrai, j'ai eu toutes les versions de cette DS. Hein. Oui, parce que mais bon, Nintendo finira donc par sortir une version légèrement boostée sous le nom de DSi, qui malheureusement abandonnera la rétrocompatibilité GBA, ce qui fera ça. Beaucoup de gens à raison. Par contre, il y aura un store, le premier Nintendo Shop entre guillemets quoi, avec des jeux comme du WarioWare, des petits jeux quoi. Il y avait Shantae aussi, il me semble. Et surtout, après, la Nintendo sortira pour moi, la console qui est la plus agréable à jouer lorsqu'on veut jouer au jeu DS aujourd'hui, qui est la DSi XL. Sortie au départ avec des coloris un peu dégueulasses qui s'adressaient, genre, je sais pas. Bah, c'était censé être une console de vieux, donc. Voilà. C'est vrai, en plus, elle avait été marketée comme ça. Ah oui, alors avec le couleur marron. Avec le stylet Godmichet et les couleurs dégueu, là. Couleur chocolat, voilà, et couleur bordeaux, c'est ça ? C'est ça. Je savais que j'allais en tuer un. Ah, c'est horrible. Et pourtant, avec le recul, bah, moi, c'est ma façon préférée de jouer à la DS aujourd'hui. Je prends toujours ma DSi XL. Ben ouais. Faut pas s'approcher trop près de l'écran, par contre, mais c'est agréable, ouais. Et alors, cela dit, pour en revenir sur les choses qu'apportait cette console, moi je sais que c'est la première console sur laquelle j'ai joué online aussi. Hein. La DS. Ah oui. D'accord. Avec Mario Kart. Et il y avait le dongle qu'on branchait sur son PC pour récupérer le signal du PC, la connexion du PC en Wi-Fi. Enfin, c'est oui. Toute une aventure. Hein. Et voilà. Et en plus, qui était la DS, c'était les anciennes, c'était vraiment les vieilles, c'était compatible avec le BGN et uniquement avec une clé web. Ah oui, il fallait. Putain, après, quand j'avais mis à jour la box changeait de gamme, tu passais en WPA TSK et après, il disait quoi. Ouais, c'est ça, et tu pouvais pas en fait. T'étais obligé d'avoir ta vieille protection pas sécurisée, du coup. C'était un peu compliqué là. Ouais. Mais surtout, enfin, après, on va dire, est-ce que c'est les consoles qui font les jeux ou est-ce que c'est les jeux qui font les consoles ? Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que l'ADS a connu un catalogue assez incroyable de jeux. Ah oui. Voilà. On est passé par à peu près tout ce qui est possible, imaginable, de la 2D, de la 3D, des adaptations de jeux GBA, des adaptations de jeux Super NES, des nouvelles licences. Des adaptations de jeux Nintendo 64, parce que mon premier jeu, c'était Mario 64 DS. Et ce coup-ci, t'as pu y jouer en couleur. C'est ça. Par contre, il y avait un autre défaut, du coup, après. Parce que les jeux en 3D, style Mario 64, quand t'as pas de joystick... Oui, avec la croix. C'est Mais ouais, non, un catalogue incroyable. Vraiment. Alors, qui a envie de commencer par quoi ? Qui a envie de gagner son amour pour un jeu, ou nous faire découvrir un jeu, ou parler de... Bah moi, justement, puisqu'il parlait du Mario 64... Il est arrivé assez tôt, lui, de toute façon. Bah, c'était un jeu de sortie, c'était un jeu de lancement. Ouais. Ah, donc, c'était un jeu de lancement. C'est mon premier jeu. C'est l'un des rares jeux d'ailleurs qui a été lancé en fait sur en même temps en fait sur dans toutes les régions, je crois. dans toutes les régions en fait. Ah oui, mais c'est Ah bah alors c'était un jeu de lancement chez nous alors en tout cas. Mais c'est... Mais alors si c'était un jeu de lancement, je l'avais pris avec Monsieur Driller, hein. Je l'avais eu Day One aussi, mais tu vois, je m'en rappelle très peu en fait. Que, bah, c'est normal parce que Mr. Driller c'est pas terrible. Ouais ouais. Non mais Mario 64. Par bah parce que Mario 64 tu l'as volontairement occulté de ta mémoire, petite pelle. Ah mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je l'avais bien aimé en plus. Il y avait des ajouts quand même. Non, il y avait des petites nouveautés. Déjà, on pouvait jouer 4 personnages. Yoshi. On commençait avec Yoshi, déjà, de base. Il fallait sauver Mario. Ouais. Il y avait Yoshi, Mario, Wario et. C'est Peach ou Luigi ? Non, bah non, Peach est enlevé par Bowser, donc c'est Luigi. Chacun avec ses petites phases de gameplay. Je pense que Mario 64 DS, c'est le jeu qui m'a pas fait acheter une console au début. Parce que. J'étais extrêmement dubitatif, comme tu dis, sur le maniement. Il y avait une autre façon de jouer qui permettait de se passer de la croix direction, qui faisait qu'on appuyait avec un espèce de machin qu'on mettait sur, on le, mettait pouce, sur le pouce. C'était sur l'écran tactile. Galère, ouais. Ça n'arrêtait pas de glisser. Enfin, où je devais mal l'utiliser, je sais pas, mais. Non, c'était pas génial. Et ben, en vrai, moi, Mario 64 DS, je l'aime pas. J'aime pas ça. Je préfère y jouer sur Nintendo 64 avec un stick, comme tu dis, la version DS. Ouais, mais c'est juste, en plus, juste, parce que les ajouts et tout sont sympas. Franchement, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Mais c'est juste la maniabilité, moi, j'ai pas aimé. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un Mario que j'ai pas trop apprécié faire. Je l'ai détesté. Oh là là, vous êtes dur, là. Moi, je l'ai bien aimé. Bah, j'aime déjà pas particulièrement Mario 64. Alors, mais oui, mais toi, t'as prêté un hérétique, toi, c'est... Voilà, c'est... Bah non, la plateforme 3D Man n'est pas super pote de base, donc... Hérétique, au bûcher. Donc, si je l'aime pas particulièrement sur la plateforme d'origine, je vais encore moins l'aimer sur ouais, la plateforme bah, qui est franchement, ouais. Adaptée. Hein. Ah ouais. Ouais, donc, je salue la performance, parce que le jeu tourne quand même. Mais ouais. Bah, c'est dommage, du coup, vous m'avez obligé à parler d'un jeu que j'aime pas. Je boude. Je boude jusqu'au ah, bah, prochain jeu. Bah, alors... Attrape-toi et parle de... Non, non, bah voilà. On fait tourner un peu quand même. On est faisons tourner les serviettes. Faut faire partager la misère, c'est ça, non? Ah, mais sortez un jeu bien, là, que les gens ils aient envie d'acheter la DS, là, s'ils n'ont pas eu vite. Who's next? Qui a envie de parler d'un jeu qui... Allez. Un jeu qui est quand même un classique sur n'importe quelle machine, mais quand tu me parles le jeu DS auquel je pense en premier, Tetris DS. Ah bah... Donc pour le coup, tu te dis, bon, bah, c'est juste un Tetris, mais non. Voilà, t'as 6 modes de jeu. Bon, après, bien sûr, hein, t'as le mode standard qui est vraiment intéressant. C'est bourré de clins d'œil, de musique remixée, de sprites qui viennent dans tous les sens, de tous les jeux Nintendo possibles et inimaginables. Ah oui. Ils t'ont même en fait remixé en fait Balloon Fight, des trucs comme ça, voilà. Yoshi's Cookie, t'as le mode attrapé qui est basé sur avec des sprites de Metroid. T'y as jamais joué à celui-là, Pelle ? Ah non, mais tu vois. Et il est vraiment excellent. Tu as toujours le multi qui est possible, bien sûr. Le multi, je précise, une seule cartouche pour 10 joueurs. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ça c'est. J'en ai fait des multis quand j'étais dans un boulot de merde et qu'on était à déprimer, mais sans déconner, hein, c'était un truc de fou. On était à déprimer avec un pote et je pense que c'est ce qui m'a aidé à survivre. C'est pour ça, en fait, que, pour le coup, bon, j'essaie de dire ça sur le compte de la blague, mais ouais, effectivement, excellent souvenir de ce jeu, même si j'ai dû y jouer un truc comme quasiment 10 ans après sa sortie. Et en fait, je n'ai gardé que 2 jeux. J'ai revendu ma DS et ma 3DS il n'y a pas longtemps. Ben, Tetris DS, c'est parti des jeux que j'ai gardés. Je peux décemment pas m'en séparer, en fait. J'aime vraiment ce jeu. Ah ouais, ouais. Ah ouais, non, mais il est vraiment excellent. Le mode compétition est très bien foutu, avec en plus les items qui permettent de donner des bonus ou des malus, qui sont vraiment intéressants. C'était... ma version préférée de Tetris, perso, jusqu'à ce que Puyo Puyo Tetris... Voilà, pareil. Vraiment, hein. Voilà, exactement. Même devant Tetris 3DS. Hein. Et pour le coup, je me dis, ils ressortent ce Tetris-là sur la Switch tel quel. Bah écoute, il a dit manco. Hein. Il a dit manco. Ça me dérangerait absolument pas. Parce qu'il était vraiment excellent. Et pour le coup, il était... il était développé par Nintendo, je pense, et pas vraiment par Tetris Company. Si ma souvenir est bonne. Ouais, c'est bien ça. Voilà, Tetris DS, ouais. Et je sais plus exactement combien ça vaut maintenant, sur mon avis, c'est pas... Ouais, c'est genre autour de 10 euros, un truc comme ça. Oui, c'est ça, rien du tout. Tetris DS, vraiment, le champ de jeu. Ah ouais, entre 8 et 10 balles, ouais, effectivement. Et vous pouvez y jouer, donc, quels que soient les DS, Tank, Lite, DSi, DSi XL, peu importe. Et même 3DS aussi, hein. À partir du moment où il y a une personne qui a le jeu, vous faites le mode sans fil téléchargé et zou, vous jouez. Ça marche terrible, quoi. Parce que le mode sans fil local de la DS, c'est une des grandes réussites aussi de la DS. Pour le coup, voilà, Tetris DS, un jeu qui l'est bien. Et le mode local sans fil fonctionne sur la 3DS aussi. Exact. Donc si vous avez une 3DS, vous pouvez acheter ce jeu là. Ça passe, oui, totalement. Et il me semble que c'est censé fonctionner. Je te remarque, oui, je suis non, en train de. Ouais. Sûr et certain, parce qu'on y jouait sur 3DS. Ah bah voilà. Donc, voilà. Voilà. Pour le coup. Je pourrais demander confirmation, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Au suivant. Bien. Quand même des puzzle games super stylés, hein, de toute façon, sur cette console. Hein, c'est... À part Mr. Driller. Non, mais l'ajout du double écran et tout, en termes de concept, il y avait des trucs de fou. Enfin, vraiment des trucs à faire et qui ont été faits. Quoi. Enfin, allez, Pelle, à vous. Ah oui, Pelle, parce que c'est Pelle, c'est autour de Pelle. Ah oh, bah, si tu veux, ouais. Bah, moi, c'est un jeu. Ouais, mais il est sorti assez tardivement, quoi. Je sais pas si vous voulez rester dans ton côté un peu... Oh, monsieur, vas-y, c'est DS, pas de problème. Ok, ok. Bah moi, je vais vous parler de Infinite Space, un jeu de rôle édité par Sega, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui. Eh bien oui, non, comme je t'ai dit hier, non, je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu d'aventure en fait, hein. Ça a été développé par Platinum Games. Est-ce que ça te dit quelque chose, Platinum? Mais pourquoi tu as pas... eBay. C'est un jeu absolument fantastique, hein, sans déconner. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un jeu, quand tu racontes ce que c'est, tu dis, oh, c'est bon, ça sort sur PC, sur PS4, machin et tout. Et là, tu dis, en fait, ça sort sur 3DS. En fait, je vais y venir plus tard, mais c'est presque un défaut du jeu, en fait. C'est que le jeu est extrêmement ambitieux, mais à un niveau, mais t'imagines même pas, quoi. En fait, c'est presque une centaine d'heures d'aventure, donc il y a beaucoup de textes, tu vois, c'est des images de jeux d'aventure qu'on pouvait avoir avant, tu sais, mais les combats et tout l'inventaire des combats sont en 3D, c'est des combats spatiaux, hein, ça se passe dans l'espace. Tu commences au début avec un petit vaisseau, et à la fin tu finis avec une armada, quoi. Et le but du jeu, c'est vraiment de conquérir l'espace. C'est violent, tu mets des robots, c'est un jeu pour Ashton, en fait. Ah non, mais il n'y a pas de robots, hein. C'est que des vaisseaux spatiaux, mais avec une flotte, mais tu personnalises tes vaisseaux, mais c'est juste inouï à quel point tu les personnalises. Parce que tu fais toi-même les pièces d'équipement que tu veux à l'intérieur, tu vois, okay. Tu veux vraiment tout aménager. Et tu les aménages, tu sais, suivant les formes, et justement, pour les embriquer les unes un peu comme les autres, ça fait presque un petit Tetris, tu vois. Mais c'est vraiment pas, ça fait pas partie du gameplay, mais c'est juste pour te montrer comment ça se passe. Parce que tu vois la coupe du vaisseau de profil, en fait, et tu déplaces en fait les pièces que tu achètes et tu les mets à l'intérieur. Et donc c'est un vrai jeu d'aventure avec les extraterrestres et tout ça. Et j'ai appris tout récemment qu'en fait, c'était une vision assez éloignée d'un roman de science-fiction très populaire des années 50, en fait. Les enfants d'Icare. Si vous connaissez, de Arthur C. Clarke. Ça me dit pas, mais je suis pas très littérature. Donc, Et donc voilà. Donc, c'est vraiment absolument génial. Hein. C'est de la vraie science-fiction. Il y a un petit côté Cobra, je trouve, dans les graphismes. C'est vraiment, vraiment génial. Platinum Games, on fait un truc formidable. Ce truc. Et je trouvais que, justement, que le jeu était trop ambitieux pour une 3DS. C'est un jeu qu'aurait dû sortir. Ouais, parce que la 3D, elle est quand même assez rudimentaire, tu vois. Alors ça marche bien, il n'y a pas de souci, ça t'empêche pas d'apprécier le jeu. Hein. Mais tu te rends compte que le jeu aurait pu être absolument cultissime s'il était sorti sur une console de l'époque de salon, quoi, tu vois, à côté. Ouais, d'accord. Ouais, il y a un autre défaut. Hein, que... Vas-y. Bah, ceux qui m'entendent dire ou... Ceux qui m'ont entendu dire oula tout à l'heure, c'est parce que j'ai ouvert la page eBay là, sur le jeu. Ah oui, ah ben voilà. Alors là, tu vois, mais moi je savais pas ça. Je savais pas, et c'est Guillaume qui m'en a parlé, je savais pas du tout les codes du jeu, mais absolument pas. Par contre, c'est un jeu, je me rappelle, dans les tests, je le voulais, mais direct quoi. Bah là, le moins cher que je trouve en français, parce qu'il existe en plein de langues, mais le moins cher que je trouve en français, c'est 49€. Et voilà. Il est en bon état, j'ai pas... C'est un jeu qui vaut une cinquantaine. Alors c'est un jeu qui n'a pas une cote démentielle, mais oui. C'est le genre de jeu que vous n'allez quasiment jamais croiser dans les jeux. Ah oui. Voilà. Un peu comme j'en parlais de Bangayo version DS. C'est... Personne ne le veut, mais de toute façon, personne ne le trouve. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça. C'est... On n'a pas eu énormément d'exemples. Le jeu a connu un succès très mitigé à l'époque. Ouais, voilà. Alors, bah, j'en avais jamais entendu parler, donc. Bah voilà, il a très bien marché au Japon, oui. mais voilà, dans les premières semaines, il a été vite oublié après, et ça a été un fiasco aux États-Unis et en Europe. Mais bon, voilà, il n'a pas eu une grande distribution de toute manière. Hein. C'est vraiment un petit jeu, quoi. Et enfin, je veux dire, c'est un petit jeu DS, mais le jeu est exceptionnel, quoi. Il n'y a pas d'autre équivalent, je pense, sur cette console-là, quoi. Et juste pour rappeler, justement, tu parlais d'Ashton. C'est que le design, tous les graphismes ont été faits par Kazutaka Miyatake. Et c'est lui qui a fait, qui a travaillé sur Mobile Suit Gundam Seed, en fait. D'accord. Et Macross. Tu vois. C'est ça, du coup, en fait, l'impression de. Voilà. Ok. Donc c'est un mec qui connaît très bien l'anime science-fiction japonaise. Quoi. Juste pour titre d'information, le jeu, on est d'accord, il est en anglais. Il est en deux langues, hein. C'est japonais ou anglais. Ouais. Du coup, je ne suis peut-être pas obligé de viser une version française. Bah non. Et pour l'autre anecdote, le point musique, la musique est composée par un certain Masamichi Amano, qu'on retrouve en tant que compositeur de la bande-son des deux Battle Royale en film, et de Urotsuki Doji, pour ceux qui se souviennent. Qui ne se souvient pas. Ah oui, Urotsuki Doji. Et Phantasy Star Universe, il a aussi travaillé sur Radiant Silvergun. Enfin bref. Donc c'est un petit bijou, hein, je vous le dis quand même. Hein. C'est vraiment un jeu, quand tu prends l'aventure dès le début comme ça, tu t'embarques dans un truc immense. Mais au point même que ça peut pas être un jeu que tu fais deux fois de suite, hein, c'est juste pas possible. C'est tellement gigantesque. Voilà quoi. Voilà. D'accord, eh bien écoute. Et c'est clairement mon jeu préféré sur DS. Hein. Je me jetterai sur cette version allemande à 14,90€. Non, ça y est, la soirée à moi commence. moi je fais le Black Friday, mais le jeudi d'après. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non, mais c'est en plus, moi, c'est vrai, je te l'ai bien vendu là le truc. Ah bah, vraiment... tu sais que j'aurais été t'écouter après Platinum Game. Ah ouais, d'accord, ok. Non, je déconne. Hein. Platinum Game. Et donc ouais, vraiment, ceux qui aiment la science-fiction, voyage dans l'espace, tu visites des planètes, plusieurs planètes, c'est deux galaxies entières hein, qu'il y a dans le jeu, c'est juste colossal quoi. Oh là là, mais j'ai déjà pas fini de visiter la Terre, c'est chaud. Ouais. Mais tu te rends compte que t'es en train de nous vendre No Man's Sky sur DS là? Ouais, mais c'est clairement, mais en bien, t'imagines? En bien. Voilà, mais ouais, je... Bah écoute, voilà, je ne te remercie pas. À toi, monsieur Chou. C'était pas Bozic ? Non. Vous avez. Bah si, monsieur Chou, il a parlé de Tetris. Ah, moi j'ai fait Tetris DS, moi. Ah, ouais. Oui, non, c'est moi qui ai pris de la drogue, c'est à Bozic. Ah. Bon, bah moi je vais parler de Hotel Dusk. Oh, ah, oui, voilà. Ah. Ouais, voilà, ça y est, il va falloir lire. Hotel Dusk et sa suite. Oui, mais vu que sa suite, elle s'est quasiment pas vendue. Et... Ah bah, que tout le monde s'en fout, même si elle est très bien. On peut quand même en parler. Je vais parler quand même du premier. Donc, Hotel Dusk. On va dire c'est un visual novel. Point and click. Où la particularité du jeu, c'est que si tu veux y jouer, il faut retourner ta console comme si tu lisais un livre. Et ça faisait partie des toutes petites idées qui étaient possibles, en tout cas à l'époque, mais vraiment que sur cette machine. Enfin... Ouais, on va dire que sur cette machine, on va employer les gros mots. J'ai toujours trouvé l'idée super bonne. Bah oui. Vraiment. Cela dit, tenir sa console à la verticale, je crois que c'est vraiment la la toute première idée qu'on voit dans le jeu, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, Bosnick. Oui, non, mais c'est... Comment dire, il enfin, y avait la Lynx qui proposait des trucs, mais vraiment comme un bouquin, parce que la DS se plie, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, voilà. C'est un jeu qui est développé par Sing, et Sing, on les connaît parce qu'ils ont sorti le un des premiers jeux du line-up de la DS, qui était Another Code. Ah oui. Qui était aussi à point and click et qui tirait parti de toutes les spécificités de la DS. Souffler dans le micro, se servir justement de fermer le capot de la console pour prendre des empreintes. Et là, ils sont allés plus loin. Ils ont pris les codes du film noir, c'est-à-dire un détective avec un par-dessus. Bon, il n'est pas bourré parce qu'on pouvait pas le faire bourrer, parce que c'est un jeu quand même qui s'adresse à des enfants, mais ça a tous les codes du film noir et c'est une enquête. T'es là pour mener une enquête. Et effectivement, comme dit Beyond, c'était fait pour tirer les spécificités de ta console. Vraiment, t'étais là pour ça. Il fallait trouver des indices, il fallait souffler pour enlever de la poussière, il y avait plein de petites choses qui fait que... Le jeu est bien. Après, c'est dommage, il n'a pas été super bien vendu. Par contre, comme les jeux de Sing, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait faillite en 2010. Par contre, il était traduit en français. Oui, il y avait une traduction française, ouais. Et une très bonne traduction française. Voilà. De toute façon, sur ce genre de jeu, sur une DS, s'ils n'avaient pas fait la trad française... Bon, j'allais dire, il se serait cassé la gueule. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi, mais c'était plus que mort et enterré. Hein. Malheureusement. Et moi, oui, j'ai joué à Hotel Dusk. Je ne l'ai pas terminé, mais j'avais joué. Ce qui m'avait frappé, c'est des trouvailles de qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre DS. Le jeu vous demande vraiment des choses. Ouais, c'est marrant. Il y a un autre jeu qui m'a fait cet effet-là. J'en parlerai peut-être ou pas, je sais pas, mais. Mais c'est intéressant ces jeux-là justement. Voilà, on vous propose une nouvelle façon de jouer. Enfin, on vous propose une nouvelle console avec deux écrans, des trucs que vous avez jamais vus, quoi. Et les gens qui sont là en mode, ok, et ben regardez tout ce que vous pouvez faire et que vous y avez même pas pensé. Même Nintendo, ils ont peut-être même pas pensé. c'est super intéressant. Ça fait un jeu qui, je veux dire, vas-y. On peut y jouer que sur une DS en fait. Pas ailleurs, tu pourras pas jouer à ce jeu là sur ta Xbox. Et donc le jeu a connu une suite qui s'appelle Last Window, de ce côté de Cape West, qui pareil est un jeu que vous pouvez trouver je pense sur le net. Alors, mais en magasin autant Hotel Dusk va vous coûter rien, autant Last Window ça va être plus compliqué de le trouver. Je l'ai trouvé dans une bourse jouée à 5€. Ça fait partie des jeux aujourd'hui qui veulent. Alors, c'est le paradoxe de certains jeux DS. Il est difficile à trouver, mais en même temps, il y a plein d'exemplaires neufs sous blister qui circulent encore. Oui. Mais il est trouvable pour une trentaine d'euros complet. Voilà, environ. Et si vous aimez des visual novels. Alors, des visual novels, mais posés. C'est-à-dire, on n'est pas dans un univers à la Danganronpa ou à. 999, non, c'est vraiment une enquête. C'est une enquête pure et dure. Il va falloir aller parler aux gens. On est dans un univers qui est réaliste avec des choses réalistes. C'est pas dans de la fantasy. Et juste une mention spéciale à Rika Suzuki, celle qui s'est occupée des illustrations du jeu. Ils sont magnifiques, tout en crayon. C'est tout du crayonné. Et c'est du crayonné. C'est celle qui dessine pour Fire Emblem en fait. C'est les crayonnés colorisés aussi, je crois. C'est du noir et blanc, il me semble. Je me rappelle pas s'il y a de la couleur. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Il me semblait qu'il y avait quand même des petites. Peut-être. Pastel. Enfin, bref. Mm-hmm. En tout cas, ouais, le crayonné est magnifique. Donc, ouais, c'est un très très bon visual novel. Jouez-y, parce qu'on pense toujours à Ace Attorney, mais on oublie souvent celui-là. C'est vrai, c'est deux bons jeux. Mangez-en. Ouais, moi, sur le coup, je vais vous parler d'une petite société. Alors, sous forme de devinette, c'est une société qu'on connaîtra en 2012 pour sortir un jeu un tout petit peu barré sur le Xbox Live, le PSN et Steam, qui s'appelle Hell Yeah, la fureur du lapin mort. Ah, trop... Hell Yeah, jouez-y d'ailleurs. Ah, c'est Square Enix. La petite société est une société, un studio français qui s'appelle Arkedo. Arkedo fondé notamment par quelqu'un qui s'appelle Aurélien Regard, dont on entendra parler là récemment pour des jeux comme The Last Penelope. Et ces 8 personnes vont développer sur DS des espèces de versions améliorées sous acide de grands classiques des années 80, même des années, fin des années 70. Deux jeux absolument fantastiques que sont Nervous Breakdown et Big Bang Mini. Alors, pris à part, c'est très simple. Nervous Breakdown, c'est Breakout. Sauf que c'est un Breakout qui se joue au stylet, avec deux écrans, et qui, dans lequel il va se passer absolument n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quoi, le jeu va changer les règles de la physique, va faire apparaître plein d'éléments perturbateurs, vraiment beaucoup d'excellentes idées avec des mondes, avec vraiment d'excellentes trouvailles. Et le jeu sera plutôt simple au début et deviendra vite assez retors et même assez agaçant. Et le second jeu, Big Bang Mini, c'est une espèce de redéfinition de Space Invaders, où le but du jeu, c'est de... Alors ça a l'air un peu abstrait quand je vais le dire, mais... C'est de tirer des feux d'artifice avec l'écran tactile de la console. C'est Fantavision. Vous avez des ennemis qui passent en haut sur l'écran, et avec des coups de stylet vers le haut, vous allez envoyer des feux d'artifice sur l'écran supérieur de la console pour arriver à viser les éléments qui apparaissent sur l'écran supérieur. Piu, piu. Le principe est excellent, c'est extrêmement additif, c'est vraiment deux jeux qui partent d'un principe très simple et qui arrivent à les faire évoluer d'une manière très très intéressante. En plus, beaucoup de chance, ces deux jeux qui ne vous coûteront rien du tout aujourd'hui, c'est des jeux que vous allez trouver à 5 balles, tellement personne n'en veut, enfin voilà, tout le monde les a oubliés. Donc je vous invite à les essayer si vous jamais vous les trouvez. Donc la société Arkedo vous assure que vous allez passer un bon moment. Vous aviez déjà entendu parler de ça, vous, ou pas du tout? Oui, il me semble que t'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, je sais que c'est toi qui m'en avais parlé. Ouais. Non, non. Oh. Elle a dit non. Voilà. C'est bon là. Elle est de mon côté pour une fois, oui. Ouais. Ok. Mais là, tous les jeux qu'on a cités pour le moment, ce sont des exclusivités console de la DS, hein, qui sont jamais sortis ailleurs nulle part. Ces deux-là ne sont jamais sortis sur aucune autre. Ouais. Mais les jeux précédemment non plus. Hein. Celui de Moa ou de Ghost Geek. Super Mario 64, ouais, non. Mario 64, oui, Mario. Pareil, Tetris, bon. Non, pas. Ah, mais ton Tetris, c'est une version particulière. Ah, oui, le Tetris, oui, c'est. Oui, bah, heureusement, oui. Sa version, ouais, est jamais sortie. Hein. Mario 64, bon, c'est pareil, Mario 64, il y a eu quelques ajouts, mais c'était pas. Bon. 64. Bon, vas-y, non, alors, moi, parle-nous d'un jeu bien, alors, sur le coup, parce que. Vas-y. Un jeu bien ? Oh là là. Oui. Un jeu de ton Alors, moi, j'ai l'embarras du choix. Du coup, je vais vous parler. C'est un jeu qui fait partie d'une de mes sagas de jeux de rôle préférés. Rien que ça. J'ai peur que tu cites un de ceux que je veux parler. J'ai peur. Hein ? C'est possible. Légende Forésia. C'est possible. Ah oui, Légende Forésia. Alors, il y en a deux, je sais pas. Je vais parler du. Bon, je vais parler de Mario et Luigi Brothers in Time. J'ai oublié le nom. Les Frères du Temps. Les Frères du Temps. Oui. Alors, déjà, j'adore les Mario et Luigi. J'adore l'humour, mais complètement absurde de ces RPG Mario. Il y a un film Mario en cours d'ailleurs, j'espère que ce sera un truc avec ce genre d'humour, parce que ce sera vraiment bien. Sinon, ce sera de la merde, parce que faire un scénario sur un jeu de plateforme, je vois pas trop, mais voilà. Et dans celui-là, donc, il y avait déjà eu une itération sur Game Boy Advance, c'était Mario & Luigi Superstar Saga. Oui. Donc là, c'est... une espèce de suite. On sait pas trop où ça se place dans la timeline, dans le lore. Mais en tout cas, il reprend les mêmes mécaniques, à savoir, on va contrôler Mario avec le bouton A, Luigi avec le bouton B. Donc sur l'exploration, ça veut dire qu'on devra sauter avec les deux, qu'on devra faire quelques énigmes comme ça, en se synchronisant ou pas d'ailleurs. Pendant les combats, du coup, les actions seront au tour par tour, mais... toujours un système de combat très dynamique, c'est-à-dire que quand on lance nos attaques, il faudra toujours appuyer sur un bouton au bon moment ou une série de boutons au bon moment pour réussir l'attaque au maximum. Quand les ennemis nous attaqueront, on pourra nous utiliser notre marteau ou faire un saut pour esquiver son attaque. Donc un système de combat tour par tour, mais très très dynamique, ce qui rend vraiment la série très appréciable. Et la grosse feature de celui-là, c'est qu'en plus de Mario Luigi, on a bébé Mario et bébé Luigi qui sont donc sur les boutons X et Y de la DS, qui eux aussi attaquent, esquivent, permettent de résoudre des énigmes et tout. Et on a, bah, enfin voilà, un de mes RPG, peut-être même mon ce RPG qui, préféré sur, le coup, sur DS. On a toujours un jeu avec un gameplay très accessible. Oui. Mais en même temps, ça devient vraiment tricky à la fin. Disons qu'à la fin, si t'es un mec comme moi qui aime pas utiliser les objets ou les pouvoirs spéciaux pour toujours garder, on sait pas, il y a peut-être encore un autre boss qui va arriver et on n'aura plus de PM et tout, ce sera la misère. Donc on économise tout. Et bah ouais, vous allez galérer, ouais. Parce que même le boss de fin, mais il rigole zéro. Mais genre, zéro. Ça je crois que c'est un peu une constante dans cette série-là, parce que dans Superstar Saga, c'était déjà le cas. Ouais. Où le jeu était relativement pas très dur, et le dernier boss, qu'est-ce que c'est tout à coup ? Il te casse ta gueule. Et bah en fait, le dernier boss, il demande vraiment d'utiliser les coups spéciaux, d'utiliser les objets. Il dit vraiment, n'aie pas peur, là, c'est bon, c'est la fin, utilise tout ce que t'as, quoi. Et c'était pas ma manière de jouer RPG. Jusqu'à ce RPG-là, justement, où là j'ai fait je vais cramer les objets, quoi, c'est pas possible. Mais ouais. Donc, un humour à la con, des voyages temporels avec. Mais c'est totalement assumé, des espèces d'anachronismes, des trucs absurdes, quoi, enfin, mais. Des situations surréalistes, un Yoshi géant, des extraterrestres, enfin. le jeu, ils ont tout mis, quoi, c'est fou. Et il y en a eu un autre après, j'en parlais vite fait aussi, Bowser's Inside Story. Voyage au centre de Bowser. Merci, j'ai oublié le nom français. En plus, je les ai en français, les jeux. Qui a un autre gimmick, c'est que cette fois, Bowser peut devenir gigantesque, il mange Mario et Luigi. Et Mario et Luigi vont évoluer à l'intérieur de Bowser. Ah, mais c'est Dragon Ball Z, ça. Ouais, c'est ça. Mais ils peuvent aussi en sortir s'ils veulent. Et du coup, il y a tout un pan de scénario où en gros, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et des fois, bah, on a des combats où Bowser devient géant et il combat d'autres trucs géants. Et là, c'est pareil, il faut retourner la console. Et t'as des combats de un peu façon méca, quoi. Enfin, qui sont assez stylés aussi. Bref, sur cette console-là, voilà, c'est deux jeux que je conseille. Deux jeux, dont un, le Voyage au centre de Bowser, qui va avoir un remake sur 3DS. Mmh. Et je pense que... Bah moi, enfin, non, c'est pas je pense, c'est je vais l'acheter, c'est sûr. Parce que j'adore trop cette série, quoi. J'ai un petit peu déçu qu'ils en proposent pas, du coup, un nouveau, mais... Moi, je te suis là-dessus, hein, moi je l'ai fait, là, le Mario Luigi, les Frères du Temps. Ouais. C'est vraiment un jeu que j'ai vraiment aimé aussi. Vraiment, d'accord. Vraiment, oui. J'aime bien la DA de cette série-là, en plus. La DA est super stylée, et je trouve, ouais. Mais en plus, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que par exemple, sur GBA, en fait, tu pourrais y jouer maintenant, je trouve. Enfin... Il est stylé, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, c'est hyper, quoi. Et le remake du premier... est aussi magnifique, mais dans un autre style, toujours en 2D, mais dans un autre style, et il est magnifique. Et pour le 3, ils vont faire aussi pareil. Le jeu de base sur DS, c'est beau parce que c'est très cartoon, très dessin, et ça vieillit pas, quoi. Enfin, et puis c'est toujours très dynamique, donc c'est des jeux, pour moi, c'est vraiment des jeux qui vieillissent pas, c'est Mario et Luigi. Et je mets les Paper Mario aussi, en tout cas, les deux premiers dans le même panier, mais. Oui. Oui, voilà. Les deux premiers. Oui. Truc qui vieillissent pas. Ouais. Complètement ça. Ah oui, ça parle. Du coup, ça parle des films Dragon Ball Super. Je ne suis pas Dragon Ball Super. Faudrait que je commence un jour. Ouais, bref. Voilà. Je vous reviens 30 secondes. J'ai un léger souci de PC, donc si vous m'entendez plus. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Eh bien, je crois que c'était autour de. Non, on va faire un petit bonus rapide. Parce que donc il y a quelqu'un qui avait envie de nous parler d'un jeu jeu que j'ai connu aussi. Donc Madame l'assistante, de quel jeu avais-tu envie de parler ? Il l'a fait. Oui. Bonsoir. Il l'a fait. Bonsoir à tous. Moi je suis obligée de parler d'Animal Crossing parce que vous n'allez pas en parler parce que vous ne considérez pas que c'est un vrai jeu vidéo, mais c'est un vrai jeu vidéo. Bah oui, Animal Crossing, c'est nul, c'est du caca. Non. Ah, ça y est, j'ai eu le regard noir. Non, mais. Hier, j'ai pas eu de réaction quand je l'ai dit. Mais là, c'est bon, Aléa m'a fait la technique du toi, t'es mort. Non, mais Animal Crossing Wild World, puisqu'il Wild s'appelle comme World, ça. Oui. Voilà. Premier sur DS. Pas le seul sur DS. Parce que Nintendo a pris l'habitude vraiment de sortir qu'un seul Animal Crossing par console. Et surtout le premier sur une console portable après l'épisode Nintendo 64 exclusif au Japon, un épisode GameCube. Oui. Et là, l'explosion d'Animal Crossing. Ah, mais de toute façon, c'était. Enfin. 98% des utilisateurs ont aimé ce jeu vidéo. Mais oui, non. Bah mais, ouais, mais c'était tellement le truc à faire avec Animal Crossing, le sortir sur DS. Enfin, je veux dire, c'était. C'est fou. Avec quoi. En plus un truc sur la version DS qu'on ne retrouvera pas forcément dans les autres versions, qui est que on contribue tous à la même jeu, c'est-à-dire que. On peut prendre la partie en cours, il y a plusieurs joueurs qui peuvent prendre la partie en cours et contribuer, eux, à faire augmenter la maison, augmenter ceci, augmenter cela. C'est-à-dire, on n'est plus chacun de notre côté à faire augmenter les choses chacun de notre côté, mais on va tous ensemble vers un seul et même but. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est un des... Non, j'avais oublié. Quand je disais le point qui m'avait marqué, moi, c'était un point un peu négatif quand même, quoi. Quand même. Alors évidemment, il y avait énormément de contenu, tu sais, dans tout ce qui était proposition d'aménagement de maison, les petits meubles et tout, c'était hallucinant. Enfin, voilà, c'était sans fin, quoi. Mais on perdait les petits jeunesses et je me rappelle qui était dans le. Tant que tu l'as perdu ta jeunesse. Non, pardon. C'était pas très gentil. Ce jeu de mots me scandalise. Voilà. Donc du coup, mais tu vois, Beyond, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais voilà, mais d'accord, oui. Il y avait le petit émulateur NES dans la version GameCube. C'était du bonus de bonus, mais... Mais on retrouvait tous les petits items à collectionner. Ah bah, bien sûr. Voilà. Non, puis sur DS, il est vraiment bien fait dans le sens où c'est vraiment ergonomique. C'est-à-dire que t'as pour collecter un fossile, par exemple, tu dois toujours faire le même geste. Et comme c'est quelque chose que tu répètes tous les jours à chaque fois, ils ont bien la disposition des boutons, l'utilisation du stylet, voilà, était vachement aussi, bien faite. Oui, oui, oui. Il y avait aussi un truc tout bête, mais je trouvais ça très joli. C'est que le Animal Crossing sur GameCube, donc c'était le précédent, c'était vraiment une vue presque de dessus, alors que là on avait l'impression qu'on marchait sur un rouleau, tu vois. Oui, et pour cause, la version GameCube héritée de la version Nintendo 64 avait un déplacement par case, entre guillemets. Oui, c'est ça. Beaucoup plus, voilà, ouais. Et après ils se sont mis à faire plus. Comme un rouleau, et je trouvais ça vraiment élégant, quoi. Graphiquement, c'était chouette. Et d'ailleurs, ils l'ont gardé, ça, après. Aujourd'hui, si vous voulez jouer Animal Crossing Wild World, je pense que c'est un jeu qui est tout à fait utilisable encore aujourd'hui. Alors évidemment, New Leaf, depuis sur 3DS, a apporté beaucoup de nouvelles choses et peut-être plus complet et plus intéressant. Mais n'empêche que la version DS a encore bien son charme aujourd'hui. Oui. Même dans ses mélodies, dans tout son rythme de jeu global. Et le fait que les upgrades, notamment des maisons, coûtent extrêmement cher, qui vous oblige en plus à farmer pendant vraiment des plombes. C'est vraiment très très long sur DS. Voilà. Mais c'est ça l'intérêt de jouer à plusieurs. Oui. Pour cet épisode-là, le fait d'être plusieurs, c'est moins difficile de rembourser. Conseil qui vaut dans la vraie vie. Trouvez-vous des gens pour payer votre prêt de votre maison. C'est super pratique. Je rigole parce que j'en connais un comme ça. Non, mais sans rire. Je vous raconterai un jour. C'est une longue histoire. Ah la vache. Donc, merci, chère assistante. Bonne soirée. Bon, bonne soirée. Ah, mais le jeu le mérite parce que c'est vrai qu'Animal Crossing, c'est vraiment une chouette licence. Hein. Moi, j'aime bien. On déconne. Bon. Et donc, alors, qui est d'autre envie de parler d'un autre jeu? Autant que ce soit moi avant que le PC redevienne fou. D'accord, vas-y. Alors, il connaît un studio qui s'appelle Indie Zero. Non. Forcément, enfin, vous avez dû jouer à NES Remix sur Wii U. Oui. Voilà. En fait, ils ont fait d'autres jeux. Je vais pas parler de Cooking Guide, voilà. Donc c'est un jeu comme ça. Et pour le coup, on va élargir le champ du personne connaît, mais c'est pas grave. Qui connaît une série japonaise qui s'appelle Game Center CX? Je connais surtout. Tu connais. Voilà. Je en connais gros, les vidéos, ouais. Voilà. Alors, pour expliquer, en gros, c'est un type à qui on lui donne la lourde tâche de terminer des jeux. Sauf qu'à la base, le type, c'est pas vraiment un gamer, en fait. C'est juste un acteur. Et il est très mauvais aux jeux vidéo. Alors, il va devoir se faire aider de ses assistants et tout machin. Mais le problème, c'est que la série, elle est devenue ultra populaire au Japon. Si bien qu'à un moment donné, ils en sont... Je me souviens plus exactement comment c'est arrivé, mais en fait, ils ont été approchés par les gens de Indie Zero et l'ont dit, bah, en fait, les gars, si vous voulez, on peut faire une compilation de mini-jeux, mais voilà, en... Vous pouvez, en fait, vous qui participez à la série, et nous aider à développer ça. Donc, ben, ça s'appelle Arino no Shosenjo, Game Center CX, voilà. Mais... Non, Shosenjo, pas Shosen, mais non. Non, parce que Shosenjo, je me dis que ça fait un bon nom méchant, quand même. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, Shosenjo. Pardon. C'est pas mal. Et du coup, en fait, c'est sorti aux États-Unis sous le nom de Retro Game Challenge, parce qu'ils ont quand même tenté de localiser le premier des deux jeux. Alors, la compile des mini-jeux, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, il y a des trucs sympas, il y a des trucs... bref. Mais ils ont vraiment gardé l'esthétique et le son particulier de la Famicom. Il y a plein de twists un peu débiles dedans qui rappellent un peu les twists de la série. Si vous connaissez pas la série, essayez de regarder au moins un épisode ou deux traduits en anglais. De mémoire, parce qu'à l'époque, c'est quoi, peut-être autour 2013-2014, j'avais traduit quelques épisodes intégralement en français. Bon, malheureusement, j'ai plus la copie et ils ont été strike très rapidement sur YouTube. Essayez de regarder. Moi, je trouve ça mais vraiment, vraiment sympa. Alors attention, il y a des moments, les jeux, ils les terminent pas et ils abandonnent lâchement. Et voilà. Et il y a pas mal de petites rubriques en fait dedans. Il fait pas que jouer au jeu. Genre, il va aller visiter un magasin où ils vendent des jeux rétro. Il va aller visiter une salle d'arcade. Alors pour le coup, vous avez des fois des jeux, enfin des lieux du très atypiques en fait japonais. Et c'est assez stylé. Et le mec, il aime bien bouffer. Alors si vous aimez bien la bouffe japonaise, regardez ça aussi. Ça peut être très sympa. Et le jeu vaut que dalle. Hein. Vous le trouvez encore sur eBay aux alentours de 10 balles sous blister. Étant donné que la DS n'est pas zonée, si vous voulez tenter la version localisée Retro Game Challenge ou la version Jap, et à savoir qu'ils ont sorti une suite en Jap, mais elle n'a jamais été localisée parce qu'apparemment l'éditeur était pas jouasse d'avoir vendu à seulement 100 000 copies. Okay. Je ne sais pas du tout ça. Et apparemment, ça a été, il y a une localisation faite par des fans qui a été faite du second jeu. Et il y a, je vois à l'instant sur Wiki, il y a même un troisième jeu qui a été fait pour la 3DS. Et apparemment, le magazine japonais Game Informer a apparemment bien aimé le jeu. Il fait partie des meilleurs jeux de l'année 2009. Non, Game Informer, non, c'est pas japonais. Hein. C'est ricain, je crois, ça. Ouais, c'est ricain. Donc voilà, si vous avez l'occasion, bon, c'est pas vilain, mais surtout la série, regardez-la, c'est vachement cool. Si bien, mais c'est pas du tout. Bon, je vais encore popper comme un mauvais diable avec pour réveiller le chat et tout le monde le moment polémique de la soirée. Rapidement, pour rigoler. Alors, Zelda, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, bonjour ou pas? Je voulais en parler, mais ça tombe bien que t'en parles. Parce que comme ça, toute la mer retombera sur toi. Eh bien non, parce que vous parliez de jeux qui exploitent les capacités de la DS, machin. Ah bah ceux-là, on est en plein dedans. Hein. Ah bah là, oui. Oui c'est mais clair. À un point que j'avais pas non plus imaginé. Hein. Et moi, j'ai bien aimé Spirit Tracks. Et Phantom Hourglass, j'ai pas du tout aimé le déroulement du jeu, en fait. Voilà. Mais par contre, je me suis pas ennuyé sur les jeux, quoi. En fait, je crois que même que j'ai joué à des Zelda pires. Le truc, c'est que ils ont une réputation terrible, mais moi aussi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que j'ai passé un bon moment sur les deux. J'ai trouvé que Nintendo avait su, justement, comme tu dis, exploiter la console et réinventer Zelda, adapté au format de leur console double écran. Mmh. Alors après, évidemment, c'était pas des Zelda traditionnels, c'était ni Ocarina of Time, ni Link to the Past. Oui. Mais au final, je vais spoiler une énigme, mais je suis longtemps resté dessus comme un con. Mais on te dit, ah, ce symbole-là, il faudrait le reproduire sur ta feuille. Ou je sais plus quoi, mais passe. Du coup, le truc sur lequel il fallait que ce soit inscrit, gravé ou autre, c'était l'écran du haut, je crois. Enfin bref, il fallait fermer la console, en fait. Ouais. Et imprimer un truc sur un de deux écrans. Et j'ai trouvé ça ouf. Et il y avait plein de petites trouvailles comme ça, des trucs de gameplay aussi. Enfin, le jeu, je suis désolé, en termes de gameplay, c'était bon. Enfin, j'ai bien aimé, moi. Ah bah, moi, je vais être moins indulgent que ça. Alors, moi, je par contre, le donjon central là, de Phantom Hourglass, mais c'était une plaie, hein, une horreur. Toi aussi, t'as trouvé? Donc, Pedro, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah que moi, je suis moins indulgent que vous, quand même. Parce que moi, je trouve qu'il a une force, quand même. Je trouve ça absolument génial d'avoir repris la DA de Wind Waker. Mais je trouve que ça correspond vraiment bien à un épisode portable. Le Link comme ça, moi, je trouve génial. Mais vraiment super beau, quoi. Oui, et puis le jeu est très joli, quoi. C'est une 3D assez très aliasé et tout, quoi, mais ça fonctionne bien, quoi, je veux dire, voilà, là-dessus. Moi, ce qui m'a gêné, c'est ce gameplay au stylet. Moi, j'aime bien les jeux gameplay stylé, mais diriger le personnage avec ça, ça a été, un coche. Moi, j'ai détesté, mais vraiment détesté ça, quoi. Je suis du même avis que Pelle. Je me suis emmerdé aussi sur les jeux. Oh là, c'est franchement, j'ai trouvé ça. Donc on est deux à avoir aimé et deux à ça fait. Non, mais comment dire? Comment on dit de quelque chose que l'on pense que c'est de la merde? Tu penses que c'est de la merde. C'est pas voilà. Qui va trancher, c'est Pulpi, tu vas trancher. j'ai horreur. Ça fait partie des trois Zelda que j'ai jamais terminé. Oh. Et pourtant, je me suis acharné à tenter de terminer Zelda 2. Adventure of Link. Non, mais il est très bien. Celui-là, non, mais il m'a vraiment écœuré pour plein de raisons. Mais surtout, putain, le concept principal du jeu, c'est non. J'ai essayé de le refaire il y a 6 mois. Et c'est définitivement pas mon truc. Je peux comprendre après qu'on aime. Hein. Pour celui qui a découvert les Zelda avec ça, ouais, pourquoi pas. Mais non, là, non. Il y a trop de fausses bonnes idées, en fait, qui succèdent. Et pour le après, moi, pour le déplacement au stylet, en fait, ça me faisait penser à ces jeux PC à la souris, là. Oui. Voilà. Moi, ça me faisait penser le mode de déplacement presque à un sous-Diablo, mais en plus mou du genou et en chiant. Ouais, non. Du coup, on parle beaucoup de Phantom Hourglass. Sur Spirit Tracks, j'ai vachement de trucs à lui reprocher, en vrai. Et puis, pilote un train. C'est stylé. Autant Spirit Tracks, d'accord, il y a des bons trucs, mais Hourglass, non. Ah si, il y a un truc qui vient de me revenir sur Spirit Tracks, la flûte. Bon, parlons d'autre chose. Non mais il faut parler de cette putain de flûte. Alors je suis désolé, je dis des gros mots. Hein. Mais on te demande de dire, c'est une flûte, donc il faut souffler dans le micro de ta console, tout en faisant glisser la flûte pour jouer les notes. J'arrive même pas à croire que j'ai occulté à ce point-là la flûte. Et le pire, c'est que ton souffle, il était des fois pas pris en compte. Mais il me semble, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est il me semble qu'Aléa a pas pu finir le jeu parce que sur le combat de fin, on te demande à un moment de faire ça et ça passait jamais. C'est pour ça que les gens se sont sur la flûte. Ah, d'accord. On m'a dit que le jeu l'a trop saoulé, elle l'a jamais fini. Voilà. Mais à cause de la flûte. Ah bah voilà. C'est elle qui a départagé. La flûte à jouer. Bah oui, c'est une flûte. elle m'a fait un doigt d'honneur. Bon, je vais m'arrêter là. Comme tu l'as dit à juste titre, Pelle, ça me retombe dessus. Bien, il a bien aimé. Ah, ça dénonce ici. Ah, ça balance. Bon, allez-y, alors, les gens qui n'ont pas aimé les Zelda DS, alors qu'est-ce que... Vas-y, Pell, qui prend la parole. Allez, allez-y. Allez-y, racontez-nous des jeux que vous aimez. Ah bah oui, non, parce que si tu veux des jeux que j'aime pas... Hein... On peut trouver, hein. C'est pas compliqué, hein. Ah, c'est pareil, hein. Bah tu veux y aller là, Bostik. Allez, j'y vais. Je vais vous parler de Solato Robot. Non, oh non, c'est moi qu'on parle. Franchement, c'était à moi, mais là j'en parlais sinon. Tu vois, ah bah. C'est bizarre quand même qu'on ait trois le même jeu. En fait, dans l'idée, ça fait un mois que je dis, ah, j'ai un jeu, moi, si vous voulez, en stock pour parle-moi d'un jeu à la fin de l'émission. C'était mais celui-là. C'était celui-là. Ah bah non, mais non, fais-le parce que. Robot, j'en ai d'autres en stock. Non, mais fais-le parce que c'est la spéciale DS. Fais-le, Bostik, vas-y, t'inquiète. Donc, Solato Robot, c'est un jeu qui se situe dans le même univers que Tel Concerto. Oui. Sur PS, hein, pour les gens qui ne s'appellent pas de Tel Concerto, c'est un jeu avec des chiens et des chats et des mechas. Voilà. Déjà, rien qu'avec ça, on a le jeu du siècle. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est fait par CyberConnect 2. C'est, bon. C'est le jeu des furries aussi. Je... Oui, mais totalement. En plus, c'est... Je parlerai de la personne qui s'est occupée du design, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. Mais donc, c'est un jeu de CyberConnect 2. Voilà, qui en doit notamment les Dotac. Le jeu de Bizarre Adventure, PS3, PS4. Les Naruto. Toute une chier de Naruto. Ouais. Voilà. Et aussi Azura's Wrath. Oui. Et pas FF7 Remake. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, ils devaient le faire et non. Oui, c'était eux, ils ont fait tout le travail, on les a virés. Là. Bon, voilà. Solato Robot. Et donc Solato Robot, c'est un action RPG. En 3D, ouais. Avec des graphismes aussi, 2D. Et c'est beau. Non, c'est super beau. Bah, c'est un truc de fou. Pour vous donner une idée, on vous met devant le jeu, on vous dit c'est un jeu 3DS. Ouais. Bah, vous y croyez, mais à l'aise. C'est, Le jeu, il est beau, c'est tellement indécent, tellement il est beau le jeu que. Ouais. Et les musiques. Musiques. C'est splendide. D'un point de vue technique, le jeu irréprochable. Tu peux pas l'attaquer, ouais. C'est impossible. Non. Bah même en termes de rythme, même en termes de jeu, en termes de tout, ouais, ça reste quand même un action RPG qui s'adresse aux plus jeunes. Oui, quand même. Faut quand même l'admettre. S'adresse quand même aux plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment gratuit. Il y a quelques passages qui vont être compliqués en termes de combat. Certains boss qui sont pas piqués d'un ton, mais dans l'ensemble, ça reste un jeu qui s'adresse. C'est vrai qu'il y a 2-3 boss où bah, j'ai dû en prendre à plus d'une fois. Ils sont un peu costauds, mais bon, ça les prend pas pour des imbéciles. Voilà, mais ça reste super mignon, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que, ok, au-delà de la difficulté, je veux dire, ça s'adresse aussi à tout le monde, parce que cette DA, elle évoque quand même, tu sais, les Sherlock Holmes de Miyazaki, c'est des Alors, totalement. Après, on peut dire, le design, c'est Nobuteru Yuki, c'est un grand designer japonais, c'est. On lui doit Escaflowne, entre autres. Voilà, c'est déjà ce qu'il y a. C'est lui aussi. Donc ça reste quand même un papa de l'animation et un papa du dessin. Oui, oui. Et donc, c'est beau. Le dernier Albator, le Endless Odyssey, c'est lui qui l'a fait aussi. Tu vois, déjà le bonhomme. Voilà. Et pour les musiques, bah, c'est Shikayo Fukuda. C'est la personne qui s'occupe de quand même pas mal de musique de CyberConnect, qui s'est tapé tous les hacks, les Jojo, Azura, en fait. C'est... Même les musiques pour de la DS. Ah non, mais les musiques, enfin, elles restent dans la tête, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et elles sont entraînantes. Enfin, le jeu, il est trop bien. Après, faut adhérer au gameplay qui est un peu bizarre. Hein. Oh, tu sais, ça sera jamais pire que le gameplay d'un certain jeu qui est ressorti sur Switch, hein, de Square. Ah oui, The World With You. Ouais, j'ai pas fait sur DS celui-là, donc. Moi oui. Donc je sais pas si quelqu'un va en parler plus tard, j'espère. Mais c'est un. Ouais. Non, mais l'idée de diriger les mechas avec les particuliers, c'est super bien fait, l'animation. Oui, l'animation est super technique, ça reste un bon jeu, méconnu. Le problème principal de Solato Robot, c'est celui-là. C'est qu'il est sorti, la 3DS était déjà sortie. Oui. Ouais. Ouais. Il est sorti en toute fin de vie de la DS, exactement comme. Un autre aussi que j'aime bien parler des deux en même temps parce que vraiment c'est deux jeux emblématiques de la fin de la DS pour moi, c'est Solato Robot et Ghost Trick. Je voulais en parler aussi. On en peut encore en parler. C'est vraiment des jeux qui sont sortis dans l'indifférence, la plus totale, alors que le monde était tourné de, déjà sur la 3DS et sur son effet 3D, qui sur le coup se sont pas très bien vendus, se sont trouvés rapidement. Moi, c'est des jeux que je trouvais à 5€ à Intermarché, personne ne les voulait. Bah, même encore maintenant, tu peux les trouver parce qu'il y a des stocks sous blister. Petite anecdote. Pour Ghost Trick et pour Solato Robo, tu peux les trouver sous blister avoisinant 20-30€. Petite anecdote. Moi, Solato Robo, je l'avais vu à 20€ et le Ghost Trick aussi. Ouais. Et ben moi, Solato Robo, je l'avais jamais vu en magasin. En magasin, tu le trouves très très peu en fait. Et en fait, je l'ai eu quand j'étais encore au Mans, je sais pas, 2011-12, quand Game a fait faillite là, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et que du coup, bah, ils liquidaient les magasins, enfin c'était indécent hein, les prix. Et là, bah, il y avait Solato Robo. Bah, j'ai fait, bah putain, banco, du coup je l'ai eu à 5 balles quoi, mais. Ah oui, bien joué. Et j'ai fait, enfin je vais pouvoir y jouer. Mais en cherchant bien, effectivement, vous pouvez encore le trouver sous blister et à des prix raisonnables. C'est pas encore le jeu qui coûte le plus. Enfin, je vais pouvoir y jouer. Finalement, je l'ai fini il y a 3 mois, mais. Parce que je l'ai commencé il y a 3 mois, mais. Voilà. Le nom du jeu, c'est Solato Robo. Ouais, Solato Robo Red the Hunter, c'est le sous-titre. Comme ça se relance. Donc ouais, jouez-y parce que ça reste quand même. Je vais l'écrire. C'est une merveille, c'est une merveille. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Si tu pouvais écrire dans le chat, parce que même moi, je vois pas comment ça s'écrit. Voilà, il a tout pour lui. La réalisation, le gameplay, il est intéressant. L'histoire est assez sympa. En fait, au début, c'est très très simple, voire simplet. Et puis, à un bout d'un moment, on se dit, ah ouais. Il y a surtout un super twist. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça que j'aimais dans le jeu. On t'amène quelque part, et après, ça part ailleurs. Et le twist que tu peux pas voir venir, c'est impossible. Et qui. Enfin, non, j'allais dire une indication, mais je vais pas le dire. Mais c'est. Enfin, ouais, c'est. Ah mais c'est génial, j'ai trouvé, et ça lui donne une durée de vie encore plus grande. Ah ouais. C'est ça qui est dingue, tu t'attends, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis qu'il prend pas les. Il prend pas les gens qui jouent pour des imbéciles, même s'il s'adresse aux plus jeunes, il a quand même gardé un côté où les plus âgés. Ouais, c'est ça. Pour y jouer sans s'ennuyer et en passant un très bon moment. Parce que le scénario est mature quand même. C'est ça le truc, il est mature. Et il y a des séquences animées, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2 ou 3, mais elles déboîtent. Mais alors. Ah, mais ils ont tout mis dans le jeu. C'est, ah ouais, c'est ouais. Ce qui s'est passé, qui s'est pas connu. C'est dommage. Et juste. Donc, parce que c'est quand même extrêmement intéressant, il fait partie des rares jeux sur la DS, et donc la DSi surtout, à avoir eu des quêtes en téléchargement. Oui. C'est vrai. Alors, malheureusement, on ne peut plus les faire maintenant. Et il y a une localisation française, il me semble qu'il est. Et il est entièrement en français. Rendu en français. Il est en français, et donc il fait partie de ses premiers jeux DS à avoir tenté les quêtes en téléchargement. C'est ça. Donc bien avant Final Fantasy XV, par exemple. je sais pas, voilà. Okay. C'était gratuit. D'habitude, je dois citer Megaman X, donc je le fais, Megaman X, mais. là, c'était FF15, voilà. Mais oui, jouez, si vous avez la possibilité, jouez-y, ouais. Parce que c'est un grand jeu de la DS. Par contre, je crois que maintenant, le tarif, vous disiez, même en neuf, on peut le trouver pas cher, c'est ça ? On trouve encore des sous-blisters. Il y a certains magasins en ligne qui le font et qui arrivent régulièrement à en avoir. Bah, y a pas de Après, raison, je sais pas si ça a vraiment augmenté par rapport à la dernière fois. Mais... Non, bah, ok. Je sais pas. Bah, je l'ai, je m'en sais plus trop après. C'est un petit peu comme le jeu dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui sont pas franchement trouvables, mais ils sont, enfin. Bah, comme ils sont arrivés en fin de vie de la console, il y a encore des stocks. Bon, monsieur Pell. Oui, c'est toi qui m'appelles. Yep. Oui. Bah, moi, je vais vous parler de Solato Robo. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Et étant donné qu'il était silencieux, je me suis dit, oh d'accord, j'ai compris. Ah, mais sans rire, j'avais compris. C'est le mec qui insiste, hein. Écoutez, moi, je m'en suis rendu compte que j'ai pas eu tant que ça de jeux DS. Mais je vais quand même vous parler d'un jeu que j'ai vraiment adoré, mais tout le monde le connaît aussi, tout le monde l'a déjà fait, quoi. Mais bah, c'est Chrono Trigger sur DS, donc j'adore. Ouais, alors par contre, on va arrêter parce que je parle de quoi après moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on en est là en fait. C'est quand même dingue de voir les jeux qui nous ont marqués. C'est alors, non, non, vas-y, Pell, vas-y, Pell. Un jeu exclusif à la DS, c'est ça. Alors, on va dire. En tout cas, sur le territoire européen, on va dire. Parce que de toute façon, évidemment, le jeu était sorti sur Super NES, mais le jeu n'étant jamais sorti chez nous, voilà, Chrono Trigger, c'est la première apparition en France. Chrono Trigger est sorti sur Super Famicom, puis voilà. Sur Super NES. Je voudrais juste un petit mot. Tiens, il en parle. Je fais une dédicace à Jamais de Bol pour Chrono Trigger Super NES. Voilà, dédicace. Il saura de quoi je parle. Les autres, vous serez dans le flou, c'est pas grave. Ensuite, le jeu est ressorti sur la PS1 et avec des cinématiques et des temps de changement dégueulasses. Au Japon, en Amérique du Nord, mais pas chez nous. On n'y a pas eu droit. Pas encore. Et un jour, on ne sait pas par quel miracle, Square Enix nous dit bah, « Attendez, bougez pas, on vous le sort en Europe, on vous le traduit. » Ouais. Et alors là, ils étaient bourrés. Ouais. Mais alors, c'est... Ouais, genre, franchement, oui. Bah, de toute façon, bon, voilà, le grand public a pu enfin découvrir... Enfin, le grand public a édité à tout temps d'exemplaires que ça, quand même. Tout est relatif. Ils ont sorti 3 en France. Quoi, enfin, c'est... Ils ont fait la même que pour FF4, 5 et 6 sur GBA. C'est ça. C'est... Voilà, vous le traduit. Par contre, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde, effectivement. Il n'y en aura pas pour personne. Voilà, il y a un avantage, quand même, dans... Pour le Chrono Trigger DS, c'est que même la version japonaise, il y a le français dedans. Bah ouais, mais même la version japonaise, elle cote maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, quel que soit le pays que tu peux, la version que tu prends, il y aura le français dans cette version-là, en fait. Tout le temps. Parce qu'en fait, c'est dans les options de la sélection de langue. Et je le sais parce que je l'ai fait tourner hein, en version japonaise. Il y a vraiment le français dedans. Mais ça, c'est cool. Après, oui, c'est dommage que. Et du coup, comme disait à l'instant, quand il disait dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'était le cas. Et moi, je me suis fait avoir comme ça. Hein. Je ne l'ai pas pu le prendre sur le moment, day one, mais je l'ai pris quelques jours plus tard en prenant une version US qui était exactement identique en fait. Donc, voilà. Et donc, bon, voilà, bah, Chrono Trigger, que dire si ce n'est que pour beaucoup, c'est le RPG ultime hein, japonais. Moi, j'avais pas du tout joué sur Super NES ni avant, j'en avais beaucoup entendu parler. Tu le découvrais sur DS. Là, bon, j'avais quand même encore en tête qu'il était sorti sur Super NES, donc ça a peut-être joué, mais j'étais là, mais mon Dieu, mais ce jeu est monstrueux, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ah ouais, mais en même temps, ils ont fait. Rappelle juste la Dream Team qui est derrière. Ouais, voilà, c'est Ocara Design, c'est Akira Toriyama, qui était déjà extrêmement populaire à l'époque. Oh. Il avait fait Dragon Quest et Dragon Ball et tout, évidemment. Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, Sakaguchi. Et Sakaguchi, donc, pour la réalisation. Donc voilà, quoi. Et donc, ils ont réuni. Dites-vous qu'à l'époque, c'est deux firmes concurrentes. Voilà, Enix. Pour faire un jeu. Enix et Square, qui deviendront plus tard, donc. Square Enix, en plus, qu'ils ont fusionné, mais c'était déjà leur premier jeu en commun, quoi, c'est drôle. Et les musiques. Oui, les musiques, alors, c'était... Matsuda, dans un premier temps, et l'OST sera finalisé par Uematsu. Voilà, parce que Matsuda s'était tellement investi dans la réalisation, c'était son premier gros travail, il en était tombé malade. Hein. Du coup, il a été obligé d'être soutenu par... Mais vous imaginez, Matsuda, enfin, je veux dire, le mec, c'est quoi ton premier jeu Chrono Trigger. Pardon. les plus jeunes ne se rendront pas compte. C'était à l'époque. C'était des sommités qui se réunissent pour donner le RPG ultime. Voilà. Et moi, je l'avais eu à sa sortie américaine, le jeu. Quoi. Et du coup, ce jeu, franchement, faut y jouer pour le comprendre, quoi. Il y a des jeux comme ça qu'on plus qu'une âme, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Le jeu, il a une narration, mais nickel. Les personnages se suivent vraiment bien. Même encore maintenant, il est magnifique. Ouais. Ce système de combat, c'est drôle parce que c'est du génie pur, ça aussi, mais ça n'a jamais été repris énormément dans beaucoup de RPG. C'est un véritable action RPG. C'est surtout que... Le terme n'est pas usurpé pour ce jeu-là. Tout est basé sur les attaques combinées. Et ça, c'était vraiment génial. Et sur le placement des ennemis sur le terrain. La sélection de tes trois personnages, parmi tous ceux qui sont présents, ça pouvait faire des attaques différentes. Quoi. Et visuellement, c'était impressionnant. C'était vraiment... C'est ce qu'il faut que tu dis si tu veux convaincre les gens d'y jouer. De lâcher. Ça reste quand même le seul jeu où tu peux jouer une grenouille qui a un putain de charisme et qui tabasse tout. Ah oui, grenouille. Alors... Ah non, mais ouais. Frog, ouais. Frog, mais en plus, lui, il est soutenu par sûrement le thème musical ouais, non, mais... le plus classe du jeu, quoi. Voilà. Franchement. Et puis à un moment, il y a une séquence où là, c'est au-delà de l'épique, quoi. Enfin, c'est... T'en peux plus, quoi. Tu vois le truc, je veux... et alors, la version DS, elle a un avantage, c'est qu'il y a les cinématiques oui. de la version de la PlayStation, PS1. Mais par contre, il n'y a ouais. pas les temps de changement. Oui, ah ouais, parce que c'était ouais. le problème de la version PS1. Après, les cinématiques, c'est du Toriyama, donc. Et en plus, on, ouais. on a quelques rajouts également. Mmh. Gameplay avec des petites choses. Genre, rien qui va changer le jeu à la phase du jeu, il n'y a pas de souci. C'était déjà un jeu à multiples fins quand il est sorti. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a 13 fins différentes dans le jeu. Déjà, c'était fou. Hein. Et du coup, bah, t'as une cinématique. Chaque fois, quoi. Bah, ça reste la version ultime du jeu. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est oui. si vous voulez jouer à Chrono Trigger, c'est la version qu'on va vous conseiller d'essayer de trouver. C'est quoi, Kate? La dernière fois que j'avais regardé, c'était autour de 80€ pour une version US. J'ai envie de dire, ça restera moins cher que la version Super NES. Oui, vous ah, pouvez. Oui. Ou alors vous pouvez toujours prendre une version Super Famicom que vous allez taper. Alors, j'ai entendu... 20-30€ en très très bon état. J'ai entendu dire... que la version Steam s'était vachement améliorée, je sais pas. Oui, et, c'est vrai qu'on avait oublié. Et après, la version Steam a un avantage, c'est qu'elle est très très peu onéreuse et que même s'il y avait ouais. quelques petits problèmes techniques et tout, le reste du jeu est jouable, quoi. C'est, ouais. c'est quand même Chrono Trigger, quoi. Hein, faut, ouais. voilà. Bon, si vous connaissez pas le jeu, ça vous sautera pas nécessairement aux yeux comme ceux qui connaissent le jeu et qui ont joué. Mm. Beaucoup plus de mal, dont moi. Donc, sur le coup, on a parlé de Parasite au début de l'émission. Et donc là, je vais dire coucou Square, un jour Chrono Cross. Bah, peut-être faire quelque chose. Hein. Ce serait bien. Hein. Non, ce serait jamais, bien. Hein. Jamais de la vie. Déjà que même à l'époque de sa sortie, le système de combat il a plié. Ouais, ouais. Les trois quarts des gens qui s'y sont essayés. Et c'est drôle comme tout se tient là, parce qu'on parlait de tel concert, de Soul Atour Robot tout à l'heure. Mm. Et bah figure le Nobuteru Yuki, hein, c'est ça. Nobuteru Yuki. C'était lui aussi le chara designer de Chrono Cross. C'est lui qui a dessiné tous les personnages. Bah, ça se voit de toute façon. Ouais, ouais. Le style, il est. Le frère, un jour, Chrono Cross. Vous mais savez Chrono que Cross, là, je suis en route, là, je vais bientôt avoir une PS1 qui pourra me permettre de jouer à mes jeux. Je joue à Chrono Cross et surtout, tu laisses l'intro en boucle. Ah ouais, mais j'ai déjà écouté l'intro. J'ai déjà écouté la map, moi. Elle me donne des frissons, la musique de la map. Oui, mais moi aussi, là, j'y pense et j'ai. voilà. Ouais, bah. Désolé, chrono, on a bifurqué. Ouais, la série croise. Des chronos, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, mais je crois que ça a mis des gifles à tout le monde. Hein. Oui. Ouais, mais ça fait partie des plus gros jeux de l'histoire du jeu vidéo, hein, et je pèse mes mots. C'est vraiment, c'est fou, quoi. Ah. Ouais. Eh oui. C'est pas beau, ça. À qui est-ce? C'est chaud, hein. Moi j'en ai plus en fait. Alors je vais parler rapidement d'un jeu. Alors puisqu'on parle de gameplay, de beauté, de réalisation graphique, de composition musicale, tout ça, je vais en profiter pour vous dire que la meilleure version de Picross, ouais. c'est Picross sur DS. Ouais, il était bien, oui, effectivement. Ah, tu l'as connu toi, Monsieur Chou aussi ? Ouais, t'inquiète. C'est le plus long, le plus complet. C'est grave. Le seul à proposer des tableaux de 20 par 25 qui sont démoniaques. Et vraiment, et je pèse mes mots, et c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver, et même Picross 3D, qui n'est pas un vrai Picross, qui est un tout autre système, est un très bon casse-tête. Mais oui, très bien quand même. Bah oui. Et je rajoute un troisième petit jeu beaucoup moins connu qui s'appelle Neves, N-E-V-E-S, qui est en fait du Tangram, avec l'écran tactile, où vous avez juste des formes à reproduire façon... façon jeu mobile avant que ce soit l'heure des jeux mobiles, hein, tout simplement. Mmh. Et c'est des jeux qui valent rien du tout aujourd'hui. Mais si vous aimez les puzzle games, c'est des heures de bonheur. Le Picross là sur DS, c'est celui-là où tu as des Picross dans les Picross ou c'est venu après ça? Non, il n'y a pas celui-là, non, ça c'est après. C'est un truc, ça, j'étais là où là ouais. Le Picross DS, il a pas, c'est le premier qui a plus Mario en tant que star après les deux ouais. épisodes Game Boy et l'épisode D'accord. Super Nintendo. D'accord. Et voilà, il a l'air trop classique, un peu froid au départ, avec une réalisation qui fait que moi déjà, la première chose que j'ai fait la première fois que j'ai joué, c'est couper la musique. Oui, bon, je joue un peu aussi. Dans le silence. Et après, il y a à la fin, quand on a fait des rangées de Picross, il y a aussi des mini-jeux où on vous demande, par exemple, de mémoriser des motifs et de les reproduire en un temps limité ou des choses comme ça. Enfin, c'est au bout de 8 ou 10 Picross, oui, quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est vraiment un super épisode, et pour en faire le tour, c'est-à-dire finir tous les Picross en mode libre, en moins d'une heure, ça peut être vraiment très très long. Moi j'aime bien mon Picross. Ouais. Parce que voilà, on a parlé pas mal des versions en téléchargement sur 3DS ou sur Switch. Bah, la difficulté sont beaucoup moins complets, ouais, que ça. Et la difficulté, elle est pas ouf, c'est vraiment croissant comparé aux autres. Ouais. Étant donné qu'il y en a beaucoup plus aussi. Ouais. Ouais, elle est pas ouf pour ceux qui ont l'habitude. Moi, je suis nul. Ah, moi, honnêtement, j'avais commencé par celui sur Super NES, Super Famicom, et ensuite celui-là avant d'acheter les autres. Et donc voilà. Donc pour le coup, même si tu débutes, éventuellement prends celui-là. Puis il me semble qu'il vaut que dalle. Je suis pas certain. Il vaut rien du tout. Bon, Chou, tu m'as fait de la peine en disant que tu avais aucun autre jeu à parler. Bah, en fait, j'en avais d'autres. On avait évoqué un jeu tous les deux. Ah oui, Princess Peach. Oui, effectivement. En fait, j'avais mes notes, mais quand le PC a fait des siennes, j'ai été obligé de tout fermer et de tout relancer. Du coup. Bon, si tu veux, on peut parler rapidement de Super Princess Peach. Yep. On va en parler tous les deux, c'est plus simple. Ouais. Un des petits jeux oubliés donc de Nintendo du début de la DS. Là, par contre, on est vraiment dans. Même moi j'y avais zappé, pourtant j'y ai joué, j'avais bien aimé. Alors, explique-nous au Super Princess Peach, quel est le principe? C'est un jeu avec Peach. Donc déjà pour commencer. Pour commencer. Voilà. C'est un platformer, non? Ou pas? Oui. C'est un platformer. Ouais. Le gimmick du jeu, c'est que Peach a 4 humeurs différentes. Voilà. Puisque c'est une femme. Donc déjà, c'est vrai que ça part bien. Continue. Ça ne balance pas de ce genre de choses. Continue. Pour vous expliquer, c'est pour ça que je voulais pas trop en parler. En fait. Okay. Donc voilà, Princess Peach a 4 humeurs, donc qui va de la joie à la colère, toujours une chose. Et avec son ombrelle, en fonction de son humeur, entre guillemets, elle va faire des choses. Alors, le principe des humeurs, moi, la première fois que le seul autre jeu que je connaisse qui fasse ça, c'est Little Big Adventure. Tout le monde s'en souvient, oui, avec les postures les postures du héros. Pac-Man Adventure aussi. Pac-Man il soit dans la bonne humeur. Non, mais là c'est pas pareil. Désolé. Non, je vois, pourquoi ce jeu il revient me hanter à chaque fois? Mais non, mais ça suffit. Non, moi je suis pas d'accord. L'idée avec Super Princess Peach, c'est de faire un jeu de plateforme qui est extrêmement accessible. Qui est vraiment, il n'y a aucune difficulté. Mais comme toujours pour le Nintendo, pour le 100%, ça vous demande un petit effort. Mais là, c'est pas dingue. Il vaut rien. Il est bien réalisé. Il est agréable à jouer et à parcourir. Il y a des musiques qui sont pas dégueu. Vraiment. Ouais, c'est un super moment. C'est Super Princess Peach, le nom du jeu. Hein, c'est ça. Et je sais pas exactement sa cote. Mais je sais que quand je me suis mis à le chercher, je l'ai pas trouvé super facilement par contre. Je l'avais trouvé au détour d'un magasin. C'était encore à l'époque où je bossais chez les fous. Je m'arrêtais en fait à chaque fois pour déposer un collègue. Et je le déposais à chaque fois devant un magasin d'articles d'occasion pour pas leur faire de pub. Et du coup, c'était le break à moitié route. Du coup, je descendais. Et là, je l'ai découvert au détour d'un bac. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai en fait, ça fait quelques mois que je recherche le jeu et c'est vraiment pas vilain. Vingtaine d'euros, on le trouve. Ouais, et pour le coup, c'est vraiment un jeu assez original. Mais par contre, bon, pour le coup, j'espère qu'un jour ils feront encore un jeu avec Peach en personnage principal, mais qui feront plus le coup des émotions, on va dire. Parce que c'est un peu too much vu maintenant en 2018. Voilà, c'est un peu pour ça que je voulais pas en parler en fait. Donc, ouais, merci. Ah bah il y a des jeux où Peach joue un rôle important, pas en tant que perso principal, mais je pense justement au dernier Paper Mario, non, Mario et Luigi Paper Jam, pardon, où en vrai la vraie star du jeu c'est totalement Peach. Dans Mario Odyssey, c'est une exploratrice qui tue les étoiles. Dans Mario Odyssey, non. Non, dans Mario Odyssey elle se fait encore enlever pour se faire la forcer au mariage. Ouais, bon, oui, c'est vrai. Après, il y a une phase où. Ouais, bon. Il y a une phase. Ouais. Donc, merci, monsieur Chou, merci, monsieur. Oh, oui. Ouais. Éventuellement, on parlait aussi des jeux un peu ronds et soufflés, voilà, machin comme ça. Il y a toujours les WarioWare qui sont dans le même délire. Qui, pour le coup, en fait, j'aime un peu moins que le WarioWare de la GBA, dont j'oublie à chaque fois le nom. Il est magnifique, le WarioWare de la GBA. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, je me suis éclaté. J'oublie toujours le nom. Ah, bordel. C'est ça quand on n'a pas de cerveau, en fait. J'ai Twisted dans tête, le Twisted c'est l'autre. C'est celui avec le capteur de mouvement, en fait. On cherche le nom. C'est pas Ink Mega Party Games, un truc comme ça, non? Je me rappelle. Non, c'est pour la GameCube, ça, je crois. Enfin, bref, ouais. C'était assez sympa, mais j'en ai pas gardé un souvenir ouf, malheureusement. Moi, je vais vous parler d'un jeu dingue. Vous êtes prêts? Alors désolé Red, je parlerai pas de Pokémon parce que bon, moi j'adore, mais j'ai d'autres choses plus importantes. Même si Pokémon Noir, j'aurais des trucs à dire, mais bon bref. Non, je vais vous parler d'un jeu. Alors, petit indice, son nom c'est et son ambiance, c'est pas du tout la même au Japon qu'en Occident. Et deuxième indice, c'est un jeu de rythme. Ah oui. En fait, pour le coup, je l'avais mis dans ma sélection avant d'affiner. Ah, j'ai oublié le nom. Elite Beat Agents. Ouais. Alors moi, j'ai joué à Elite Beat Agents. Wendan. Voilà, et au Japon, c'était Wendan. Mais en plus, les jeux, en fait, c'est pas les mêmes jeux. Le principe est le même, mais c'est pas les mêmes jeux. Mais donc, Elite Beat Agents. C'est bien, ça. Je sais même plus c'est quoi l'histoire, mais c'est complètement fou quoi. En gros, on doit sauver les gens par la danse. Enfin, mais on est des agents du gouvernement, costard, cravate, oui. Lunettes de soleil, et on doit danser pour. Ils interviennent toujours au moment où tu t'y attends. Voilà, c'est ça. Et c'est super rigolo. Les musiques sont plutôt stylées, hein. On va pas se mentir. C'est hein. Des reprises de musique qu'on connaît, mais comme ils avaient pas les droits, ils les ont rechantées. En fait. Même si j'avoue que celle de fin, là, Jumping Jack Flash. Pour la passer, c'était super difficile. Donc le concept, hein, c'est il y a des petites pastilles, je sais pas, qui apparaissent à l'écran. Il y a un cercle qui se referme et il faut appuyer vraiment quand le cercle englobe bien la pastille pour faire un perfect. Et du coup, il y en a plein qui apparaissent partout hein, avec la musique. Il y a aussi des pastilles spéciales où il faut les faire glisser avec le stylet, ce genre de choses. Il y a une super roue de la mort. Et il y a la roue, où faut tourner ton écran si t'as pas mis une protection. Joue pas Elite Beat Agent parce que tu n'as plus de DS après, c'est sûr. Et donc ouais, la bande son, ça allait ouais, donc les Stones, Bowie. Alors, voilà, cool. L'histoire de Elite Beat Agents, c'est la même chose que lorsqu'ils avaient sorti le premier Taiko no Tatsujin sur PS2 aux États-Unis. Ils avaient gardé le même principe de gameplay, strictement, mais ils avaient adapté la playlist à l'Occident. Ah oui, parce que au Japon, c'est de la J-pop et du J-rock. Vous aurez toujours un Weibo pour venir chouiner en vous expliquant que Wendan, c'est mieux parce que les musiques japonaises. Ben non, en fait, pas forcément. Moi, j'ai passé un bon moment avec Elite Beat Agents aussi. Ouais. Ça dépend si t'aimes la J-pop et le J-rock. Moi, j'adore Wendan. Ils sont très bien tous les deux. Les deux sont bien en fait. C'est ça que. De là à dire que l'un est meilleur que l'autre. Disons que ça m'attriste que ce ne soient pas les vraies chansons. La reprise de Queen m'a fait un peu mal dans mon cœur. Oui. Tu rigoles quoi. Mais c'est surtout moi, c'est les barres que tu tapes. Mais par contre, au bout d'un moment, en fait, je me souviens que la dernière chanson, dans le niveau de difficulté maximale, si tu fais pas que des excellents en rythme. Même en tapant toutes les notes, même en faisant un full combo, tu finis par perdre. le jeu est pas gratuit. La difficulté du jeu, elle est ouf, quoi. J'ai failli, mais enfin, j'ai. C'est un peu comme tous les rhythm games en fait, faits par des Japonais. En fait, c'est vraiment fait pour être assez restrictif et être très précis. Ah ouais. Le jeu est démoniaque. Et c'est pour le coup pour ça aussi que ces jeux sont vraiment addictifs, en fait. Bah ouais, parce que c'est celle-là. Moi je me souviens de Skater Boy d'Avril Lavigne. Skater Boy, ouais, mais moi c'est voilà mon c'était drôle. Mais les situations sont ouf quoi. En fait, c'est voilà, à chaque fois il y a une petite scénette, une petite histoire qui commence, je sais pas, un couple qui se dispute ou je sais pas quoi, enfin bref. Et au bout d'un moment, il y a le point de rupture où justement il y a les agents qui arrivent, mais au moment, c'est jamais là où tu te dis ils vont venir. Non, mais ils arrivent surtout quand tu dis il y a le point de rupture et que la personne hurle. Voilà, c'est ça. Et la personne hurle. Je sais pas si vous avez vu Agretsuko récemment, c'est un peu ce genre de truc là. Et puis là, t'as les agents qui arrivent. Ah oui, c'est vraiment démesuré et pas contrôlé. C'est la, voilà, la rupture. Et les chansons commencent et on appuie et on est content. Et j'avais, en fait, anecdote, j'avais offert ce jeu-là à un de mes frères pour son anniversaire. On leur avait offert la DS, donc avec des jeux, enfin plusieurs jeux, et moi j'avais offert celui-là. Et il m'a dit non, je veux pas y jouer, pas jeu, beau jeu fait un, je le garde pour moi. Je l'ai gardé pour moi. Ah, ça finit comme ça. Voilà. Et donc, oui, Wendan au Japon a connu une suite qui restera exclusive au marché japonais. Et qui est très drôle aussi. Voilà. Et à noter que la société donc, qui a sorti les jeux, Inis, sont aussi à l'origine de Gitaroman sur PS2. Ah, c'est eux. Les... Voilà, ah, oui. C'est eux. Et qui apparemment, vu qu'ils feront bien des trucs avec de la musique, c'est eux qui développeront plus tard pour le compte de Microsoft Lips. Je suis désolé. Ah putain, c'est eux. Black Eyed Peas Experience. Je suis désolé. Mais bah, c'est chaud parce que j'ai l'impression. Ça va. Hein. Ils ont pas développé SingStar Johnny. Hein. Oui. Non, ah, non, mais par contre, viens de dire Black Eyed Peas Experience. C'est un peu chaud parce que Microsoft, quand même, ils prennent un studio là qui a fait des trucs sympas pour leur demander de faire de la merde. Ils ont fait pareil avec Rare quand même. Ils ont racheté Rare. Hein. Ils ont fait pareil avec Rare qui, au bout d'un moment, ils sortent Viva Pignata, Cameo, qui est des jeux sympas. Et au bout d'un moment, ils leur disent faites des avatars Xbox, faites des jeux Kinect. Ouais. Bon, là, ils leur ont fait sortir Sea of Thieves. Là, ils leur ont fait sortir Sea of Thieves. Ils sont en train de se faire dessus, là, tu vois. Ah, Chris, Vlad, là, il est en train de pleurer du sang. Ouais, les studios, parce que là, tout le monde se dit, les 4 studios qu'ils ont rachetés, là, tout le monde se dit, ah, cool, Microsoft, dégaine ses cartouches et tout. Mais est-ce qu'ils vont pas leur dire de faire des trucs comme ça aussi J'espère pas. Hein. J'espère vraiment pas. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Enfin, bon. Il y a plein. Il y a... La bibliothèque de la DS est énorme, hein, ouais, comme je disais. Ouais. Mon Pokémon, oui, moi j'ai passé beaucoup de temps. C'est pas un podcast qu'il nous faut si on veut parler de. C'est tout le problème. Mais quelque part, c'est bien aussi, parce que moi, on peut toujours. Nous, on peut toujours revenir un jour. On peut toujours faire une suite, exactement. J'aimerais juste ajouter un petit truc. Il y a le temps ou non, quelqu'un voulait parler d'un jeu, peut-être. Ah non, vas-y. Parce que je voudrais parler d'un jeu, quand même. On avait déjà parlé, je crois, d'Okami sur PS2 en disant c'est le jeu le plus bavard du monde. La séquence d'intro dure 1h30, le jeu s'arrête jamais et tout. Mais sur DS, sachez qu'il y a un jeu qui réussit l'exploit d'être encore plus verbeux que Okami. Et ce jeu n'est autre que Okami Den, la suite d'Okami. D'accord, c'est la blague. C'est un truc de ouf. Le jeu est bien. Si tu aimes l'univers de Okami et tout, c'est trop bien. En plus, c'est Shibi Terasu, donc Okami mais version Shibi, quoi. C'est super mignon et tout. Le jeu, il est super. Waouh. Oh, il est bavard. C'est d'autant plus surprenant que c'est censé être un jeu console portable où tu es censé faire des petites sessions dans le et métro. Enfin. Et là. Et c'est vrai, c'est au plus jeune. C'est ça aussi qui est drôle. Hein. Ah ouais. Mais là, mais tu manges ta race, quoi, en termes de dialogue, quoi. L'autre problème d'Okami Den, c'est qu'il n'a pas été localisé en français. Il est resté en anglais. Que en anglais. Il est sorti en France, en fait, mais que en anglais et en petite quantité aussi. Hein. Et l'autre problème, ça va être arriver à, voilà, à les trouver. Et à trouver aujourd'hui Okami Den, c'est vraiment compliqué sur la version européenne. C'est vraiment compliqué. Mmh. Mais l'aventure est bien. Mais je confirme que j'ai passé un bon moment dessus aussi. À part ces dialogues interminables, le jeu était vraiment agréable à jouer, oui. Ah ouais, bah toujours pareil. Ça peut être une 3D DS, hein, bah il tient la route aussi. Bah pareil, vu que c'est dessiné, tu sais, enfin c'est dessiné, c'est pas dessiné, mais le style graphique fait très dessin, le gameplay est bon, c'est un gameplay action RPG, c'est relativement classique, mais efficace, bon. L'humour, c'est un humour très... encore une fois, je sais pas si ça se dit, si c'est bien de dire ça, mais c'est un humour très japonais, un petit peu absurde, mais pas trop. Enfin, je suis toujours sur le fil comme ça. C'est très bien. Le jeu est très très très très très bon. Effectivement, oui, je vois que ça parle de Professeur Hatton. Oui, c'est une grande série, ça, de la DS. Pour l'instant, je pense qu'on a la mouche est morte. La table aussi. On a évité de parler, enfin, dans ce podcast, on a essayé de faire découvrir un peu des jeux moins connus ou moins évidents. Voilà, quoi, Mario vraiment, 64, Mario Luigi. Trigger. Ok, je parle pour moi. Animal Crossing. Dire, là, C'est qu'on n'a pas, parlé des séries, des grandes séries entre guillemets sur DS qui ont connu quasiment que d'excellents épisodes comme bon, les Ace Attorney, mais il y a aussi Castlevania, il y a Dragon Quest, il y a Layton. Ouais. Et rien que ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré prendre les Infinite Space aussi, quoi, parce que oui, les Dragon Quest et FF, évidemment. Quoi. Et je pensais même, Bozy, que tu avais évoqué le Valkyrie Profile. De Covenant of the Plume. Non, parce que c'est pas un épisode que je trouve exceptionnel. Ah, bah, tu vois, il y en a beaucoup qui l'aiment, hein, quand même. Hein. Ah, mais il est pas mauvais. Hein. Ah, ouais. Il est pas du tout mauvais. Ouais. C'est juste que la dynamique de ressusciter avec une plume, ça rend le jeu affreusement facile après et est pété. Ah ouais, mais attention, parce que par contre, pour avoir la true ending, enfin, voilà... Il faut s'accrocher par contre. Mais oui, ouais, oui. Mais tu l'as fait aussi, toi. Ouais, je ne l'ai pas fait, mais par contre. Comme Valkyrie Profile sur PS1. Je ne l'ai pas fait, mais j'étais entre guillemets, de régie pendant la run de GDQ. Du coup, bah, j'ai. D'accord. j'ai pas le choix d'écouter autre. Après, ça reste un bon tactical, mais bon. Mais ouais. C'est pas celui que je préfère. Mais c'est clair qu'il y a eu. Non, parce qu'on aurait pu parler de FFTA aussi. Hein. Ouais. Oui. Il y avait FF12 aussi, revenant enfin, la ludothèque de la DS, de toute façon, elle est monumentale. C'est impossible de parler du dixième de tous les jeux, quoi. C'est pas possible. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, elle est gâtée dans tous les genres, en plus. Hein. Ouais. Celui qui aime le JRPG, il a de quoi faire. Hein. Voilà. Après, même si on va plus loin ce soir, on aura pu parler en fait, de quoi aller de 5% des jeux qu'on a eu ou aimé sur DS, quoi. Non, mais là, la ludothèque, elle est infinie. Il y a des jeux complètement barrés ou concepts improbables. Voilà, on en a parlé, là, des jeux comme Big Bang Mini, ce genre de choses. Il y a un... des RPG. Le truc, c'est que il y a un moment où la DS s'est tellement vendue que les éditeurs se sont mis à développer dessus, mais tous en même temps. Et il s'est passé exactement ce qui se passe toujours dans ce genre de cas, à savoir que sur le coup, tous les jeux sont arrivés sur le marché en même temps, et sur le coup, il y en a plein qui ont été oubliés, qui sont passés à la trappe, qui sont forcément. Enfin, tout le monde, il n'y a pas que des gagnants. Tout le monde se jette dans la brèche, mais il n'y a pas que des gagnants au final. Mmh. Et il y en a qui sont des purs jeux d'exploitation inintéressants comme Koh-Lanta, du Fort Boyard ou du Titeuf. Et après, il y a des jeux oubliés qui ont vraiment une vraie envie de faire quelque chose de bien. Genre Geometry Wars Galaxy sur DS. Il est sorti sur DS, celui-là. Je sais pas. Ouais. Ah, c'est stylé. Sur DS, ouais. Ça, c'est bien ça. Qui est une tuerie sans nom. Bah si, Geometry Wars Galaxy, du coup. Ouais. C'est bien. Il fait partie aussi des oubliés. C'est Astéroïde. Il est sous stéroïde. Et d'ailleurs, il est dans. Attends, c'est ce jeu-là qu'ils ont. Ah oui, ils ont remis dans un autre jeu, du coup, en tant que mini-jeu. Ah, je sais pas. Ça. Non, je confonds. Non, oubliez ces 30 dernières secondes, je n'ai rien dit. D'accord. Bon, on pourra pas oublier, ça enregistre, tu sais. On sortira ça, moi, t'inquiète pas. Je vais juste faire un petit bonus rapido. Parce que ça me fait marrer, parce que des fois je suis un troll et que j'aime bien ça. Donc Chou, tout à l'heure, t'as dit que tu voulais pas trop parler de Princess Peach parce que les humeurs de Peach, tout ça. Je vais juste rapidement parler de deux petits jeux qui ont aussi été oubliés, qui sont sortis au début de la console, par Sega, qui s'appellent Project Rub et The Rub Habit. Oh putain. Qui sont des compilations de mini-jeux où le principe, outre le fait qu'ils utilisent extrêmement bien la DS aussi et qu'ils ont de vraies trouvailles, le but du jeu, c'est qu'en fait, vous êtes un gars qui va faire le gros relou pour se faire remarquer par une demoiselle. Ah ouais ? Non, mais je connais pas. Frotte. Bah, appelle, le jeu s'appelle Project Rub, hein, quand même. Voilà. Oh putain, j'ai pas fait le rapprochement. Et la suite, Rub Rabbit. Alors, outre le fait que les jeux, par contre, ont une vraie patte graphique particulière, tout en ombre, tout ça, le principe du jeu, c'est... c'est une simulation de gros relou, littéralement. C'est beau à voir, mais le jeu est inventif, il est sympa. Des fois, il est un peu stupide dans ce qu'il demande de faire, un peu trop raide, mais ça fait partie des jeux qui valent rien. Ça fait partie des premiers jeux d'ADS. Ouais, c'est le premier jeu d'ADS qui voulait montrer ce que la console était capable de faire en termes de diversité de gameplay. Et c'est... voilà. Un jeu qui, aujourd'hui, je pense que s'il sortait aussi, on en entendrait parler. Ah ouais, ça va stylo. Ben, cela dit, il y a du gratiné qui sort sur Switch, là. Le Senran Gakura Kagura, là, avec ses vibrations HD, là, ouais, c'est... Wow. Mais en fait, ma voisine, elle va se mettre à vendre de la Switch, en fait. Non, mais là, les mecs, c'est chaud. Senran Kagura, qui est plus censuré sur PS4 que sur Switch. Bah, c'est Sony hein, qui a demandé ça, en plus, ouais. Sony, je sais pas ce qu'ils font, là. Si, j'ai une réponse. De la merde. Ah, mais c'est pour la version occidentale, c'est oui. Au Japon. Oui, de toute façon, au Japon. bref, voilà, c'est tout ça pour dire que oui, y a quand même du gratin, même de nos jours. Gratin. Ouais, sur le coup, on aura peut-être l'occasion de faire un match retour sur cette DS pour peut-être parler d'autres séries, encore d'autres. Des jeux de merde. Un match retour pour parler des jeux. On pourrait parler de jeux de merde, mais on pourrait encore parler d'autres jeux bien. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, quelque part, ouais. C'est un spécial jeu pourri. Comme j'ai dit, voilà, on n'a pas parlé de Castlevania et de. Et du fait qu'on ait enfin eu des Dragon Quest traduits en Europe. De Final Fantasy. On n'a pas parlé des Kirby parce que Kirby a eu une belle carrière sur la console. Ouais, on n'a pas parlé du remake oublié de Resident Evil. Un petit point. les Pokémon, il y a même eu des Megaman, il y a eu. Le Mario, on n'en a pas parlé alors que c'est lui qui a complètement fait exploser la console. La sortie cumulée de la DS Lite et du Super Mario DS. Ils ont tout défoncé, quoi. Enfin, voilà. J'espère en tout cas qu'on vous aura diverti, qu'on vous aura appris des choses, donner envie en tout cas de ressortir à la DS et de trouver des jeux pour essayer. Donc voilà, il est déjà 23h. Les enfants dorment depuis longtemps. On devrait faire de même. Donc, effectivement. Remercier les gens qui étaient là ce soir. Remercier les gens sur YouTube qui ont écouté. Merci les gens, merci YouTube. Pouce bleu, cloche, tout ça. Hein. Article 13, tout ça. Et sur le coup, on va se retrouver. Alors, sans trop m'avancer. Je dirais que la prochaine fois, nous risquons de faire un bilan calmement, nous remémorant chaque instant. C'est la tradition, c'est annuel, hein. C'est comme les calendriers de l'Avent. Décide un peu d'être un peu originaux et de faire un peu différemment de tout le monde. Et on s'est dit que, vu que c'est la fin de l'année, on va faire un bilan des jeux. Je vais mettre ma plus belle barbe et mon plus beau slip de Noël. Et on a eu l'année 2018 assez exceptionnelle. Je vous promets. Qu'on va s'étriper sur Red Dead Redemption 2. Non. Alors, on fera tout pour pas en parler. Vous serez que deux parce que honnêtement, vu que j'y ai pas joué. Bah pareil. J'y ai pas joué. Non. Voilà. Donc, du coup, à l'unanimité, on n'en parlera pas. Donc il y aura une bafouille entre deux. Non, mais voilà, on parlera. Mais alors, comme d'hab, hein, on parlera nous de ce à quoi on a joué cette année en fait. Donc ça peut être aussi des trucs sortis il y a 3 ans ou 15 ans. Ça va être le cas de toute façon. Donc voilà. Il y aura des jeux nouveaux, il y aura du rétro, il y aura des choses. Voilà. Ce teasing. Ah, voilà. Il y aura l'âge de pelle. Non. Ah si, on le révélera. L'âge de pelle. C'était avant ou après l'âge de pierre du coup? Ah, c'est une bonne question. Non, je peux pas donner un indice. Venez, vous verrez. Indice, il n'y avait pas la roue. Comme moi, il n'y avait pas la roue. Comme moi, elle a dit dans le chat, on a un Discord si vous voulez venir échanger. Joie et la bonne humeur. Et sur ce, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit les loups. Et bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit. Tu dors pas toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir.